Et en gros, je m'occupe de tout ce qui est toute la pub, le commercial, le marketing, le recrutement. Ah, c'est bien. Ah ouais. Ouais. C'est sérieux quoi, c'est un vrai métier quoi. Bah, j'ai eu de la chance quoi, j'ai eu de la chance d'avoir un métier, enfin avoir un métier, avoir une alternance. J'ai la chance d'avoir les parents PDG d'une boîte. Non, justement. Non mais je plaisante. C'est un peu la galère, tu vois, c'est pas un métier. C'est une alternance, c'est-à-dire que j'ai les cours et j'ai ça à côté. Et en plus, c'est pas du tout une honte d'avoir des parents PDG, hein. Attention, ah bah non, bah, ça peut aider. Attends, mais quand je dis ça, moi, quand tu as réussi dans la vie, tu travailles dur et que tu peux payer des trucs à tes enfants, bah c'est pas du normal. Tout. Attends, ils font encourager la réussite en France. Hein. Ils font croquer les parents. Attends, moi, mais bien sûr. Ah oui, mais attends. Ils font croquer. Alors, j'ai un stagiaire. Ouais, attends, tu vas nous raconter. T'es tombé sur des mecs qui t'ont violenté, là. Tu vas nous raconter. J'ai un stagiaire. De quoi? Alors, j'ai un stagiaire. Pas croquer les enfants. Si un jour t'as des enfants, plus tard. Et que tu deviens PDG d'une boîte. Ah, moi je fais croquer mes enfants direct, c'est les premiers au contraire. Ah, c'est vrai, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, bah, non, si. Mais tu vas regarder dans ton portefeuille et tu vas leur donner une petite pièce à retourner une grosse à côté ou tu vas. Non, bah si c'est mes enfants et qu'ils ont besoin de sortir et d'oseille, bah je leur file l'oseille, franchement. Ah, c'est vrai, ouais. Après, faut penser pas qu'à soi, donc oui, je pense que je pourrais le faire ça. Ah, ouais, pas c'est les seuls pour qui tu seras généreux. Et mes parents, enfin ma famille, mes proches, proches quoi. Ouais. Les potes un peu, non? Si, ouais, les potes. C'est marrant, moi, les fois où j'étais le plus généreux dans ma vie, où j'ai prêté de l'argent à des potes, et c'est plus à des potes qu'à ma famille. Enfin, si à ma famille, non, si. Mes parents en premier, ouais. Bien sûr. Et mes sœurs et tout ça, mais j'ai vraiment fait preuve de générosité. Dans le besoin. Potes pour aider des potes dans la merde ou ouais, quoi. C'est déjà aidé un pote, Jim Sandard. Ouais, ça m'est arrivé. Ouais, t'as aidé, ouais. Un pote qui arrive pas à finir le mois, ben voilà, il te demande 200 euros, tu lui files. Ah, c'est bien. Ouais. Ouais. Et tu l'as rends ou pas, non? Ouais, ouais, et ben c'est naturel, tu vois. Ouais. Franchement, ouais. C'est. Moi, je prête, mais faut me rendre. Ah, bah oui, sinon. Ou alors, je lui dis, vas-y, si tu veux, je t'aide, je peux t'aider. Mais quand tu me dis prête-moi, c'est prête-moi. Parce que c'est pas la même somme que tu me prêtes. C'est donner ou prêter. La plus grosse somme que t'as aidé, j'aime ça. C'est ça, c'est à peu près ça, 200 euros. 200. Et un jour, j'avais oublié ma carte bleue. Et c'est un pote à moi sur Paris, je connaissais pas tant que ça, qui m'a dépanné de 100 balles en fait. Donc ça va, tu vois, il m'a dépanné. Et juste après, parce que j'avais besoin de liquide. Et après, bah, je suis allé lui rendre dès que j'avais ma carte. Quoi. D'accord, je suis stagiaire. Moi, j'ai prêté 50 euros au max. On me l'a demandé, je l'ai fait. Flo, les cadeaux, t'as prêté plus. Ouais, moi, j'ai prêté 700 euros. Ah ouais. Un mec était en découvert, un de mes potes, et qui était vraiment dans la merde si je lui donnais pas. Moi j'ai prêté 800. Et puis il m'a rendu après quoi. Ouais. Ah, il m'a rendu après aussi. Mais sinon ça le foutait dans et la si merde. Et s'il rend pas, tu fais quoi? Non, j'ai prêté 1250. Ah ouais. À mon meilleur ami, j'y sais dans le sud et tout. 1200. Ouais, parce qu'en fait, il s'était séparé d'une meuf et il fallait qu'il paye un loyer d'avance et tout. Et il m'a dit je te rembourse en deux mois. En deux mois, je te donne la moitié et tout. Ça fout dans la merde. Et voilà, quand j'avais vendu ma voiture, j'avais acheté une moto, j'avais de l'argent, je lui dis tiens à l'époque. T'avais confiance. Oui, non, mais je le reprendrai. Et voilà, j'ai n'a pas la. Bah, c'est fini! On se voit dans pas sur internet. Un H sur le sac, c'est ça qu'elle cherche. Un grand coup de bite, Uber Pop. C'est pour Luna, le sac Hermès. Salut Jérôme de Bagnolet. Hey, vous pouvez balancer vos dédicaces, hein, Guillaume, et votre message aussi. 612. Dans deux minutes, je vous file les places pour les Energy Music Awards. Il y en aura que 4 à gagner dans notre émission. Bonne chance. Jusqu'au NMA. Il y en aura vraiment pas beaucoup, les mecs. Donc c'est vraiment le jour. On l'a mis sur Twitter, sur Facebook. On est partout, Guillaume. On est partout. Ah, vas-y, arrose. Mais il faut le dire parce que vous ayez au moins la chance de jouer et que demain vous arriviez pas en me disant putain, Guillaume, t'as pas des places. C'est aujourd'hui qu'on en a. Donc ils nous en donnent deux par enveloppe sous huissier. Ils font chier. Donc pour une fois qu'on en a, voilà. J'ai la voix pétée, on dirait un. Ouais. Franchement, j'ai pas beaucoup à forcer et je peux faire un peu une voix de mafieux, tu sais. Le parrain, quoi. Non, mais attends. Prends l'accent italien. Non, mais le parrain gratuit, mais le parrain quand même, attends. Non, mais ça fait un peu. Franchement, je fais quasiment, c'est quasiment ma voix. Ah, là, je fais pas normalement. Ouais, en fait, tu rajoutes. Non, mais regarde, là, je fais pas. On dirait que je me force. Donc, pour les. Non, c'est dingue, non. C'est ouf, ouais. Alors, ouais, on dirait que je me force, c'est la même voix. Hein. Alors, je vais stagiaire. Ouais, ouais. On dirait, je vais stagiaire. Passe-moi l'appel. Tiens. Allez. On creuse. Faire un trou pour flotter des cadeaux. Tu veux faire caca dans le trou. Je vous écoute à la pêche à la. Non, mais c'est. Ah, mais là. Ah, ouais. Je vous écoute à la pêche à la carpe. Dans l'Aveyron, vous déchirez. Continuez. Non, mais regarde, je ne change pas ma voix. Il y a un côté perforace aussi. Ouais. Ah, oui, c'est vrai. Ah, ouais. Non. Pour avoir deux. Le perforace de la mafia. Ah, non, mais attends. Non, mais. J'ai pas le générique de Fort Boyard. Mais moi j'ai le générique de Fort Boyard. Attends, je vais te le chercher tout de suite. Et je vais parler normalement. Ouais. Parce que là, sachez que je parle pas normalement. Tu vas la perdre en plus. Là, je me force à parler en l'air. Sinon, attends, j'ai. C'est quoi ça, non? Non, c'est pas ça. Ah non. Dis Cortex! Tu vois, Minus et Cortex, c'est pas ça. Non, ah, joue les Guillaume. Attends, ah. Attends. Je pourrais faire du Busta Rhyme. Attends, c'est. Non, je l'ai pas. Vas-y, mets-le, j'aime ça. Ouais. C'est ça? C'est le nouveau. Ah, c'est le début, ça. Ah, le nouveau, il est nul. Ah oui, si. Mais on reconnaît. Ah, avance. Moi, je veux le. Ah, ça court, là. C'est ça? Ouais. Il est plus lent. Ah mais moi l'ancien. Ah mais. Ah il est mou, il est mou. Mais moi l'ancien, mais moi je veux le vrai, je veux celui qui. Vas-y, attends, je l'ai, j'ai besoin d'art. Voilà. Je vais plus vite moi-même, hein, vous avez. J'avais aussi. Cette énigme ce soir, non mais c'est dingue. Ah bah là tu le tiens. Hein. C'est pour deux clés. Mais être ou ne pas être, il faudra manger des feuilles quand la vérité arrivera face à lui. Qui suis-je? Quand je bois une bouteille de vin, je suis stone. Quand je bois deux bouteilles de vin, je vomis. Que m'arrive-t-il à une bouteille et demie? Je suis un stagiaire. Bah, je dirais, on fait un coma éthylique. C'est la bonne réponse. Merci, je vous jette la clé. Cette petite tour. Merci. Vous merci, pouvez plonger pour aller la rechercher. Merci, Père Fouras. Et bon bain à vous. Merci, à bientôt. Mais franchement, c'est dramatique. Ah ouais, c'est pareil. Salut, poteau. J'écris je suis un stagiaire sur le site kikaporno.fr. Vous avez la bouche pleine de merde. C'est élégant. N'oubliez pas la blague de JM du Standard. Putain, c'est vrai. 22h09, on fait la blague de JM du Standard. Ensuite, mon Pierrot, il va nous raconter. Il s'est fait violenter par 3 SDF bourrés. Il va nous raconter ça. D'abord, JM du Standard. Je suis un stagiaire, tu t'es déjà fait violenté par 3 mecs bourrés? Ah non, jamais. Embrouillé. En sortie de boîte et tout. Embrouillé, léger, ça va, j'ai eu de la chance. Non, pas de bagarre. Jamais encore. De. Non, c'est léger. De violence sexuelle. Non, sexuelle, non, jamais. Ah, mais ça aurait pu, malheureusement. Ouais, ça peut. Genre un viol, non, non, non. Non, mais pas forcément, mais tu vois, j'ai genre des mecs qui te mettent des mains au cul un peu. J'ai vu un mec pisser dans le TGV. Il sortait son sac et il pissait dans une bouteille. C'est tout ce que j'ai vu. Bon, bah, on est content. Voilà, ça c'est le pire. C'est le max. Je suis un stagiaire. Je ne réponds jamais à la question par une bonne réponse. T'es pas loin là. Pour deux clés je suis. Alors vas-y, j'aime le standard. Ouais. Il nous fait une blague tous les soirs à 22h09. Et ben il est 22h18. On a un peu de retard. Et marche quand même la blague. Donc on t'écoute quand tu veux, mon gym. Ouais, c'est parti. Alors en fait, c'est dans une clinique, tu vois, c'est un médecin qui fait sa tournée des chambres et il tombe sur un mec en train de se masturber, mais violemment. Donc choqué, il appelle un infirmier et lui demande, il dit, qu'est-ce qui se passe là, monsieur? Et donc l'infirmier lui dit, ben voilà, ce patient, il souffre d'une maladie rare. Et en fait, ça lui fait une surproduction de sperme dans les testicules. Donc il est obligé de se masturber toutes les deux heures, sinon ses testicules, elles peuvent exploser, il peut mourir. Donc le médecin, il est étonné, il continue sa tournée, tu vois. Et deux chambres plus loin, il voit une infirmière en train de faire une fellation de ouf à un nouveau patient. Et là, le médecin, il rappelle l'infirmier, il fait, ça c'est quoi? Et l'infirmier, il dit, bah la même chose, sauf que lui, il a payé plus cher. Voilà, c'est tout la blague. Pas mal. La blague de JM du Standard, pas mal. Sérieux. Pas mal, JM du Standard. Mais est-ce que c'est payant l'hôpital? En fait, il y avait une. Bah oui, c'est payant. Ah oui, je savais pas qu'il fallait payer, moi. Ah bien sûr. Les cliniques aussi. Ah oui, c'est remboursé par la Sécu. Tu fais payer pour faire. Il faut avoir des mutuelles, ce qu'on appelle. C'est la mutuelle, c'est. Ouais. Ceux qui remboursent les soins en plus de la Sécu, quoi. Ouais, d'accord. Guillaume, j'ai un problème le vendredi à ton émission, mais j'adore aussi Vendredi Tout est Permis. Eh ben, c'est pas grave, écoute, tu mets la radio et puis Vendredi Tout est Permis, c'est enregistré, tu peux le regarder le lendemain. Ah bah oui. Et tu mets ton magnétoscope et puis t'enregistres, c'est pareil. Hein. Non, mais en plus, tu peux même faire les deux, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est quand même pas. Enfin, c'est. Non, mais c'est vachement bien, Vendredi Tout est Permis. Mais bon. Franchement. Ouais, c'est bien. Ah oui. Ah oui, non, mais tu peux parler pas de la radio. Non, ouais. Ah ouais, putain, mais excusez-moi. Je n'ai pas le droit de parler de mon émission de télé. Voilà. Je n'en parlerai pas. Voilà. Vendredi soir, je n'ai pas le droit d'en parler, donc j'en parlerai pas. Non, mais vraiment, parce que là, ils sont très tatillons dessus et tout. Alors, je peux dire que j'ai des snipers sur mon front. Ah ouais, si je dis sur quelle chaîne je suis vendredi soir, je me fais tuer. Donc, je ne parlerai pas. Au pire. Quelle est ta pire bêtise en cours, mon Guillaume? Ah, on va en parler après avec plaisir. Hein. Dédicace au collège de Sénone, vous êtes les meilleurs. Salut, Jules. J'ai l'impression que tu n'as plus la passion de la blague. J'aime son art. Il est trop monotone. Ouais. D'accord. Là, je savais pas. J'étais pas prêt là. Ah ouais, mais putain, dis-le moi quoi. Ah ok, je te le redirai. T'es blasé. Bon alors mon Pierrot, raconte-nous comment tu t'es fait déglinguer là. Alors, je me suis pas fait vraiment déglinguer. Non, je rigole. Je rigole, je te charrie, vas-y. Mais en gros, moi personnellement non, mais un pote ouais. Ouais. En fait, on faisait une balade en moto tranquille dans l'école. Et on était avec un de nos potes et on s'est dit un défi, on croisait souvent sur notre chemin une vieille baraque. Pas abandonné, mais un petit peu, quoi. Ouais. Et on s'est dit, bon, bah, on y va, on va voir ce qu'il y a. On est tous trois, on laisse... Excuse-moi, il y a Julia qui arrive. Vous faisiez de l'urbex, hein. Vous faisiez de l'urbex. De l'urbex. Il y en a un qui est mort, t'as vu, en urbex, là. Ouais. Ah ouais. Mais il y a des trucs de fou. Il y a 10 jours. C'est les mecs qui visitent des bâtiments fermés interdit, à l'abandon. Moi j'adore rentrer dans la vieille baraque et tout. Bah après ouais. Ah ouais. Moi j'adore le plus c'est cambriolage. C'est le mec qui annonce tout. J'adore vraiment le vendredi soir. Après l'émission, je vais faire un petit cambriolage. Non, c'est rentrer dans les trucs désaffectés, tout ça. Mais il y a des trucs de dingue qui sont faits sur YouTube, des compilations où des mecs aux États-Unis ils voient, ils trouvent des cadavres, du sang, mais c'est des trucs de dingue des fois. C'est vrai. Heureusement en France on n'a pas ce genre de trucs. Enfin, personne n'a vu ça pour l'instant. Franchement, moi je vois pas trop l'intérêt d'aller se balader pour trouver des cadavres. C'est se faire peur un peu quand même. Ouais, mais se faire peur. Les catacombes. Je sais pas. C'est pas vraiment pour trouver des cadavres, c'est plus. Nous c'était un délire, on se dit ouais, on va voir ce qu'il y a là-dedans, on fait un petit tour, voilà, tranquille. Et en fait, il y avait rien de spécial à part qu'on avait vu 2-3 sacs de couchage, genre comme s'il y avait peut-être des gens qui passaient par là, des SDF, rien de spécial. Ouais. Et c'est au moment où on est allé au sous-sol où on entend des bruits de mecs qui parlent et des bouteilles. Et avec nos potes, on avançait. Et en fait, on a vu débouler 3 SDF. Enfin, je pense que c'était un SDF vu comment ils étaient. 3 SDF, mais alors complètement bourrés ou alors drogués. Genre attends. Dans 5 secondes, il y a la pub. Tu vas nous raconter ce qu'ils t'ont fait, ces 3 mecs-là. Et vous savez qu'il y a, y a beaucoup de mecs qui prennent du crack maintenant. Attends, on va en parler. Vous savez quoi? Bougez pas, on parle juste après de devoir prendre la fuite d'un endroit. Guillaume, votre message aussi. C'est comme ça. Attention tout le monde, Glandu a une info importante pour nous, une info sur les végétariens. Les végétariens font des proutes 2-3 fois plus souvent que les omnivores et plus bruyamment. C'est vrai? Ouais, parce qu'ils mangent des fibres végétales en fait qui se digèrent moins et du coup ça fait des petites poches de gaz. Oh la vache! Souvent on me disait mange pas trop de crudités, tu vas faire des proutes quand j'étais petite. Ah ouais. Alors du coup quand t'es à table, tu dis plus c'est le chien, tu dis c'est le végétarien. Oh, c'est bien. Rendez-vous demain, 6h-9h30 sur Énergie. Événement. L'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Énergie 12. 4 équipes de 3 amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Défi extrême, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre, à 18h15 sur Énergie 12. DreamWorks présente les trolls. Ils sont colorés, ils sont chevelus, mais surtout, ils sont tous super heureux. Oh, ça fait du bien. Enfin tous, sauf un. Bonheur, ça me branche pas. Par les producteurs de Shrek. Une petite touche de positif, ça irait bien avec ta veste. Les trolls, avec les voix de Loan Emera et Matt Pokora, le 19 octobre au cinéma. Vous cherchez quoi en fait? Faire des rencontres. Un moyen simple et sympa de trouver de nouveaux amis. Faire des amis, pourquoi pas trouver l'amour? Accéder à des centaines de profils qui vous ressemblent en envoyant Célib au 63602. Le premier service chat SMS de France à votre service. Simplement en envoyant Célib, C-E-L-I-B au 63602. N'attendez plus, rejoignez-les vite. Envoyez Célib au 63602. Célib au 63602. 50 centimes plus prix du SMS, INRJ. Gagnez des consoles Xbox One S pour la sortie du film Brice 3 avec Énergie. T'as la tête pour lui, hein. On coupe pas ce qui pousse. Écoutez Coé de 19h à 22h sur Énergie et gagnez des consoles Xbox One S. Brice 3 avec Jean Dujardin le 19 octobre au cinéma avec Énergie. It's music only. Oh, la capsule. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hi-Tech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hi-Tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hi-Tech. Energy Games, play again. Jouer encore. Energy. lundi au vendredi, de 22h à minuit. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, sur Énergie. Nadji, on se calera après nouveauté. Il y aura Hardwell qui défonce aussi là. Moi c'était en cours, j'ai dû me prendre une heure de colle parce que j'ai fait croire que c'était moi qui avais mis un coussin sur la chaise du prof à la place de mon pote. Putain, j'ai eu le seum, salut les gars. Salut. Bonsoir à toi, à toute l'équipe, gros bisous à tous, vivre, libre ou mourir mon frère. Salut les gars, Ismaël, bonjour les amis, c'est payant. J'aimerais trop passer la radio. Non mais bien sûr vous passez quand vous voulez les mecs. Vraiment de la merde la blague de JM du standard. Ah non. Ah ouais, non mais bon. Avant notre standardiste, hein, JM du standard a fait une très mauvaise blague, mais il va revenir. Bah hein. Oui. Guillaume et votre message aussi 112. Il va être l'heure de faire, il y a un double 8. Spécial Energy Music Awards. On va prendre toutes vos réactions juste avant de vous filer les places pour le Energy Music Awards dans le 12 novembre. Pierre, tu m'entends de Oswald? Ouais, ouais, je t'entends, c'est toujours là. T'avais commencé à nous raconter. En fait, toi, tu fais de l'urbex, c'est-à-dire que tu te balades un peu dans des bâtiments abandonnés, dans des endroits abandonnés, tout ça. Et en fait, tu es tombé sur 3-4 mecs un peu bizarres. Ouais, grave. Vas-y, raconte. C'était trois, je pense qu'ils étaient trois. Il y avait un quatrième, je pense pas. Qui était complètement bourré ou alors drogué, mais un truc de fou. Parce que à peine ils nous ont vus, quoi. Genre on était des monstres, ils nous ont couru dessus, il y en avait un, elle avait une bouteille à la main. Et ils nous ont couru dessus. Il y a un pote avec qui faisait de la moto avec moi, qui fait encore de la moto avec moi. D'ailleurs, dédicace à Thomas qui a fait cette urbex avec moi. Ouais. Et il doit sûrement nous écouter. Et en fait, il a perdu un de ses sliders. Je pense que tu vois ce que c'est, toi qui as fait de la moto. Ah, les sliders, c'est sur les côtés, là? Ouais, sur les côtés, quand tu poses le genou et que tu fais frotter et que ça fait. Ouais, c'est pour pas abîmer le carénage et tout, ouais. C'est voilà. les petits. En fait, il y a ça sur les moto-écoles aussi, c'est sur les côtés, deux petits bouts de caoutchouc avec un peu de fer pour, si la moto se couche, pas casser le moteur. En gros. Ah, ok. Bah, en fait, il avait une sorte de truc comme ça sur son pantalon de moto. Ouais, ouais. Quand il fait frotter le genou, ça fait des étincelles. Voilà, quoi, voilà, voilà. Voilà. Ah. Ouais. Et en fait, il y a un. Roller. Ouais, c'est trop marrant, ça. C'est trop bien. J'aurais trop peur de faire glisser la moto à ce point-là. Oui. Ouais. Ah, mais c'est grave, moi aussi. Moi, je peux pas. Ah, ouais. Et pourtant, j'ai une moto très légère et je peux pas, moi. Ça coûte trop cher. Ah, ouais, bien sûr. Faut avoir des couilles, mais faut aussi avoir une partie quand même de pas peur, quoi. Ouais. Tu vois. Faut pas tomber, quoi. Ah, ouais, parce que tu fais vraiment mal. La moto, ça rigole pas, quoi. Tu vois, tu glisses, même si t'as un truc en cuir, tu te fais mal au cul. Ouais. T'as la moto qui tombe dessus sur ouais. La table. Non, mais si tu glisses sur la droite, ouais, en fait, ouais. Non, parce qu'elle part, elle mais part, bon. Ouais. Bah ouais. Tu te prends un poteau, tu te coupes en deux. C'est pas la voiture, ouais, faut quand même se rendre compte de ça. C'est quoi l'autre jour, les mecs, là, quand on a fait le truc avec Soprano, ils m'ont dit que quand tu mettais mal ta ceinture, s'il y avait un nœud dans ta ceinture, et que tu prenais un carton à 50 km/h, ça te coupait en deux. Donc la en fait, ceinture. Quand il y a la ceinture, il faut bien la dérouler. Il faut bien la dérouler, pas qu'il y ait même un nœud au niveau de l'épaule, ça te coupe le bras. Ouais. Et il m'a expliqué ça. Il m'a dit, mais c'est vraiment mais très ça, net. On sait pas, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a un accident de voiture, si le mec a mal mis la ceinture, il est coupé en deux. Et, c'est du tissu, la plupart du temps, c'est pour ça qu'ils sont morts, les mecs, c'est quand ils mettent mal leur ceinture. Donc il faut bien mettre la ceinture au-dessus de la bite, au-dessus de la ceinture. Ah, parce qu'il y a une façon de faire, du coup. Voilà. Et après, la partie au niveau de l'épaule, il faut bien la dérouler et qu'elle soit pas emmêlée. Ouais, c'est ça, plate. Parce que sinon, ça devient carrément une arme contre toi. Donc voilà. Il m'a dit tout à l'heure, hier, hier, jeudi, dernière émission avec Soprano, jeudi. Quoi. Ouais. On est vraiment en direct, hein, je tiens à préciser, mardi, ouais. 22h, lundi, 22h, mec. On est lundi soir. 22h32, et il y a eu du foot ce soir. Il y a Sochaux qui a battu Lens 1-0 en Ligue 2. Voilà, pour vous prouver que. On est bien là en direct. Il n'y a pas de couilles qui se passent ou quoi, on est là en direct. Alors, Pierrot de Dozwan, là, 3-4 mecs bourrés, donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh ben, en fait, voilà. Ils t'ont poursuivi, quoi. Ouais, ils nous ont un peu poursuivis, ils sont sortis jusqu'à dehors, ils nous ont pas suivis jusqu'au Betcan, encore heureux, de toute façon on s'est barré direct quand on a vu leur gueule et comment ils nous couraient après. L'autre, il a perdu son slider, en fait, il y en a un, il lui a accroché la jambe et il lui a arraché son slider, donc du coup c'est un des seuls souvenirs qu'on a. Et après on s'est cassé en moto, quoi. Mais souvent on repasse à côté, on se dit on va faire un tour ou pas, on va voir s'il y a encore de la. Mais ouais, hein, pour ceux qui sont en Alsace d'ailleurs, s'ils veulent faire un tour, je vais sortir des noms bizarres parce qu'en Alsace, hein, c'est très c'est très des noms bizarres. Au cas où, ceux qui sont en Alsace, c'est entre Innenheim, alors attention le nom bizarre, et Crotter Gersheim. Ah bah voilà. Salut à Crotter Gersheim. Salut, salut. On a déjà entendu le nom. Bah oui. Ouais. Salut à toute l'Alsace. À Strasbourg. Non mais on suit nous les Alsaciens. Ouais. C'est comme Seb là. Seb qui vient d'appeler au standard. Tu m'entends mon Seb? Ah c'est ouais, pour moi parce qu'il a 19 ans aussi, hein, Seb de Neuilly-sur-Marne en 93. Salut. C'est qui le papa? Ça va frérot. Salut, c'est qui le papa? Il m'a fait une pipe là au mec là. Ah, ouais. je vais te casser le reste des dents moi. Alors t'es pas content avec Tim Boros? Putain l'ancien. Bon mon Sébastien, tu fais quoi dans la vie Seb? 19 ans, t'es étudiant ou tu travailles? D'accord. Ok, bon, chanté. Hein. J'essaie des nouveaux sons, là, je cherche. Je démarre ma mobilette. J'ai stagiaire démarre sa Ferrari. Allez, mais, ah bah. Ah non, pardon, j'ai stagiaire passe derrière la Ferrari en moto. En moto crotte. Oh, tout de suite. Alors, Sébastien, il est arrivé une merde avec les flics. On va parler des fois où vous avez dû prendre la fuite. Est-ce que vous avez déjà pris la fuite? Vous avez dû partir de quelque part. Hein. Guillaume et votre histoire avec votre numéro. Aussi, 11-12. On se fait le double 8 pour les places DNMA maintenant. Dans une minute. Mais d'abord, Guillaume et votre numéro. Est-ce que vous avez déjà, pareil, dû prendre la fuite à un moment? Qu'est-ce que t'as bu? Quand est-ce que t'as dû prendre la fuite, Seb? Alors, j'ai pas pris la fuite. C'est qu'ils ont dit que j'ai pris la fuite. Ouais, bon, ouais. C'est les flics, c'est pas moi qui l'ai dit. En fait, j'explique, j'étais à un feu, ouais. C'était devant moi. Ouais. Et à un moment, le feu, il passe au vert. Bon, je laisse passer un petit peu, je laisse passer 10 secondes. Et là, je regarde sur le vrai conducteur qui glisse sur la gauche. Je dis, putain, il peut pas se ranger, donc je mets toi un petit coup de façon vite fait, toi. Et je vois, je sais pas, ils sont tous en train de s'exciter dans la voiture, en train de se retourner vers moi. Ils avancent, ils me laissent passer. Moi, je fais, bon, vas-y, je m'en vais. Je pars. J'étais sur la voie droite à un moment, mais je te promets, deux minutes après. C'était une voiture de flic, c'est ça? Ouais, genre flic avec tripos, tout, tu vois. Ah oui, donc c'était marqué police dessus, ouais. Donc t'étais sûr. C'était pas des flics en civil, genre la BAC. Non, c'était vraiment écrit police dessus. Non, les flics, t'es au feu rouge et tu klaxonnes en gros. Ah, t'es comme ça, ouais. Ouais. Putain, c'est un peu, tu doutes bien qu'ils vont te faire chier. Klaxonner des flics, non mais c'est pas s'ils veulent. Klaxonner des flics, ça va les énerver. Direct. Ouais, mais s'ils avancent pas aussi. Non, mais il y a des fois, c'est énervant. Tu t'entends à 30 à l'heure des mecs. Ah ouais. Les mecs qui sont ralentis dans les niro, frérot. Et ils peuvent te contrôler. Ouais. Pour ça. Bien sûr. Bah oui, Képi, est-ce que t'as pas le droit d'utiliser klaxon en vrai? Le klaxon, c'est qu'en cas de danger. Ouais. Le klaxon, que en cas de danger, en théorie, c'est pas fait pour dire avance, frérot. Ah ouais. C'est fait pour dire poussez-vous, ma femme est enceinte, je vais. J'arrive. Tu vois ce que je veux dire? C'est fait que dans des cas d'extrême. En vrai. Donc pour les mariages, c'est interdit aussi. Ah bah là, pour les mariages, encore plus. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête, parfois. Je voudrais sauver la terre, parfois. Je voudrais la voir brûler. Vous n'êtes pas en direct vu la gueule de Jean Stagiaire et tout aussi moche que ça. Très beau Jean Stagiaire. Bah oui, ça va. Un petit t-shirt bleu turquoise. Ah ouais. Voilà, c'est couleur ça. De ses pupilles. Ouais. Attends, il a essayé de. Petite barbe de 3 jours. Jean Stagiaire se fait sodomiser par Boudère. Les gars. Non. C'est nul, hiver. Avec des potes. T'as vu, moi je te fais un compliment. Grave, ouais. Oui, c'est gentil, Guillaume, je note. Avec des potes, on rentre dans une piscine municipale la nuit, on s'est baigné, etc. avec les flics. Mais les flics sont arrivés. On a traversé le village à moitié à poil, on a sauté par-dessus les. Ah ouais. Les barricades, ils ont fini par en trouver, c'était chaud. Alors on va en parler, tiens. Guillaume et votre message au 612, des fois vous avez dû partir en courant, prendre la fuite. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc tu klaxonnes les flics, tu mets un coup de klaxon, tu les doubles, tu passes au feu rouge. J'ai que ce klaxon de merde. Et qu'est-ce qui t'est arrivé ensuite? Donc après, je tourne en roue pendant 2 minutes avec des potes. 2 minutes, hein, c'est long quand même, 2 minutes, toi. Ouais, c'est long. Et là, je les vois arriver plein de balles. Je pourrais pas te dire combien c'était, mais honnêtement, ils roulaient vite. Hein. Ah. Avec la lumière, le parapluie, le bordel. J'ai cru que j'avais tué quelqu'un. Ouais. J'ai cru que j'avais tué quelqu'un. Et là, j'entends la fenêtre, je le regarde, je fais oui. Il me fait, ouah, tu te mets sur le côté et tout. Bah, moi, ils m'ont mis la pression, je me mets sur le côté, je fais direct. Les mecs, ils sortent, ils entourent la voiture. Ils étaient trois, il y en avait un derrière la voiture, et un qui arrive à ma gauche et un à ma droite. Ouais. Ils me demandent les papiers et tout, ils avaient la main sur le gun, je fais wesh, ils veulent quoi eux? Et après, il me dit main sur le volant, tu gardes ta main sur le volant pendant tout le long. Ok, il n'y a pas de souci, il me pose des questions, il me fait ça vous arrivez souvent de klaxonner les forces de l'ordre, ta. Je fais bah non, mais je lui explique, il me fait alors si on est en train de regarder quelque chose, je sais pas quoi. Et je sais pas pourquoi à ce moment-là, je lui dis bah vous pouvez pas vous garer sur le côté. Alors là. Ah là, t'as déclenché le plomb, mon gars. Alors là, c'était la guerre d'un coup. C'est la fin. Ah ouais, bah là, non, mais c'est normal. Alors là, putain, toi, tu fais tout ce qu'il a fait. Tu les cherches. Non, en même temps, il les cherche pas, il dit la vérité. Il y a des fois. Oui, mais il y a une façon de faire, je pense. On est d'accord. Mais il y a des fois, c'est vrai qu'il y a sur le milieu, bon. Non, mais le mec, il avançait pas. À gauche, c'était le feu. Il y avait une file de ouf derrière. Vas-y, t'en regardes le truc, tu te gardes, tu descends, tu vas voir. Vas-y, dès quoi, t'allais dire. Dégage. Non, mais c'est pas toi le mec qui descend. Alors, c'est sûr que si tu baisses ouvres ta fenêtre, qu'une voiture de fée qui te dit vas-y dégage. Ah, c'est à n'importe qui là. Non mais tu vois, c'est pas des façons. Non mais c'est sûr. Et donc après ils arrivent, et là après cette phrase là le mec il m'a fait, il regarde son collègue, il fait bon on va faire un petit test à l'hiver. Ok, donc t'as fait le test, le test de la drogue. Ouais. T'as pas, j'ai passé crème, j'ai serré le cul. Ensuite ils m'ont fait souffler. Ouais. C'est bon, j'avais pas bu, donc voilà. Après il m'a demandé le gilet jaune. Il m'a demandé le triangle. Il m'a regardé. Il m'a fait un truc à la fin, un truc de fils de pute. Il m'a fait bon, est-ce que vous pouvez enclencher vos essuie-glaces, on va voir s'il y a du produit. C'est obligatoire d'avoir du essuie-glace. Ah oui, c'est obligatoire d'avoir du produit au cas où tu prends de la boue. Ouais. Bah oui. Non mais là parce qu'il check ça, mais là il t'a fait la salade tomate oignon. Ah bah oui. Ah bah là le il a fait la complète là mon gars. Supplément fromage. Ah bah là t'as pris la sauce sur le front. Ah direct. Attends, et donc t'avais tout. Ah ouais, le daron il avait remis du liquide. Heureusement. Ah ouais, et en plus ils font un nouveau truc là par rapport aux ampoules. C'est-à-dire que les ampoules elles ont changé, ou je sais pas, en fait c'est, elles ont changé en intensité avec la nouvelle loi, ou je sais pas ça quoi. C'est quoi, c'est plus fort ou moins fort pour les feux de croisement, je crois. Ah je sais pas, honnêtement je suis pas spécialiste là-dedans. C'est mon père, il m'a dit ça, il m'a dit je les ai changés, parce que mon père il est mécano. Ah, il m'a dit je les ai changés il y a deux mois. Ouais, il m'a ouais. dit, et ceux qui n'ont pas changé les ampoules, c'est 45€ d'amende. Oh. Voilà, pour des ampoules. Ouais. Je savais même pas qu'il y avait des ampoules à changer. Hein. Ouais, ça j'ai entendu. Ouais. Tout le monde va regarder. C'est vrai, ouais, c'est les phares. Parler, ouais. Franchement, j'ai jamais entendu. Normalement, ils le disent au contrôle technique. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais. Je fais pas les contrôles techniques. Non, mais c'est vrai. Non, parce que je suis en moto et tout, mais c'est vrai qu'il faudrait que je fasse gaffe. Et alors, attends, et donc c'est pareil pour les motos ou pas? Faut changer les ampoules. Putain, faut que je me renseigne. Ah, ça, je sais pas. Mais j'ai pas compris, c'est quoi comme ampoule? Je comprends pas la différence. Toi, les ampoules, genre quand tu mets tes phares. Ouais, les phares. Et c'est des petites ampoules, ouais, les phares. Ouais, c'est des ampoules. Et bah, c'est plus fort ou moins fort du coup. Mais c'est quoi, c'est plus fort ou moins fort? Ah, je sais pas du tout. Est-ce qu'il y en a un qui sait, qui est flic ou quoi, qui peut nous dire là? Guillaume et le message au 612. Et dans deux secondes, on se fait des places pour l'Energy Music Awards. Vraiment, préparez-vous. Dans 20 secondes là, on envoie le double hit. Et première place pour l'Energy Music Awards, tout compris. Hein. Avec l'hôtel, le transport, il y a tout, les restaurants. Vous allez... Franchement, c'est vraiment un très très beau cadeau de ouf à faire à sa copine, ah bah là, ou son mec, ou à partir entre potes ou copines ou quoi. Et alors, attends, mon scène, donc klaxonné, il t'a fait les essuie-glaces, et comment ça s'est fini alors? Donc ça s'est fini à la fin. Je me suis pris 45€ d'amende pour le klaxon. Ouais. En ville. Ah, il voulait te faire et... chier. 45 euros. Et attends. Et là, bon, moi, mon père a mis, et là, la bonne femme, elle, une demi-heure, j'avais les mains sur le volant tournant, j'avais mal aux mains, à la fin, je te promets. La fille, elle vient me voir, elle me fait, excusez-moi, c'est combien de temps que vous avez votre permis? Je fais, bah, ça fait depuis le mois de mars. Elle m'a dit, mais il est où le A? Oh là là là. Ça, c'est leur kiff. Ça. Ah ouais, ça. Ah, oui, ouais. Mais bon, c'est la loi. Donc, c'est la loi. Normal, attends, faut ouais, ils t'ont mis combien en plus? Eh bah, 45 de plus. C'est vrai. Ah, là, là, là. T'as pas pris de points au moins, non? Non, heureusement. Voilà, ouais. Ouais. Parce que t'en as déjà que 6 au début. Bah, vaut mieux perdre des points que payer. Ah, ouais, putain. Bah, non. Ah, non, mais non. Ouais. Bah, non. Ah, bon non, mais c'est-à-dire, on voit qu'il a mais pas le choix. Non, mais 80 euros. Non, mais après, bah, tu te fais retirer. Moi, je préfère largement payer 45 euros que de me le faire enlever deux points. Bah, oui, ah, bah, oui. Attends. Bah, non. C'est vrai, c'est le ratio est plus important. C'est mieux de perdre. Bah, oui, parce que les points, tu peux pas les acheter, quoi. Ah, bon, je crois que tu prends leur stage. Et non, il faut passer deux jours et tout. De merde, là. En plus, c'est de la merde, leur stage, là. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais faut dire. J'ai mis t'as déjà fait ton stage? Non, toi non plus. Ouais, pourquoi tu me demandes ça? Si t'arrives, il arrive, je n'en ai jamais parlé. Il avait envie de parler. Ah ouais, c'est vrai, ouais, tu vas en parler, James. On va en parler. Tu vas choisir une témoin. Attends, Julia, t'es déjà marié? Bah non, mais dès que tu perds un point, t'es obligé d'avoir une amende, par contre, c'est obligatoire, ça va par deux. Ah non? Ah oui. Ah oui, le point, ça va en plus, c'est qu'une amende. C'est pas salade tomate, c'est la tomate avec la salade, forcément. T'as pas le choix, quoi. Flo des cadeaux, déjà fait des stages? Non, jamais. Mais tous mes points, je les ai récupérés parce que ça fait un moment que je conduis plus. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus de voiture. Ouais, et comment tu sais que tu les as récupérés? Bah, parce que je pense, là, ça fait au moins 3 ans. On m'a pas envoyé de lettre comme quoi j'en avais plus que 8. Ça fait 3 ans, on m'a jamais envoyé une lettre. Il faut aller sur internet, regarder, je pense. Et ouais, mais non, il faut aller en préfecture et tout. Ouais, c'est le bordel. Franchement, ils pourraient mettre un système de merde, là. Un système une de application. Base. Une application où tu tapes ton numéro. Ils veulent pas que tu saches. Voilà. Et pourquoi ils veulent pas que tu saches? Bah, comme ça, tu peux, quand tu te fais retirer le permis, t'es obligé de repayer. Bah oui, mais, tu payes qui? L'auto-école? Tu leur payes quoi? Ouais, mais après, t'es obligé de repasser c'est en préfecture. Con, excuse-moi. Et tout. Ah ouais, tu crois? Ouais. Bah oui. Ah, JM du standard numéro 1 sur le complot. Elle me fait voyager. Je es stagiaire, je te pose pas la question, t'as pas de permis. Ah, ouais. Ah non, je pas le permis. Les points, lui. Ouais, toujours pas, le code, rien, c'est pas. J'ai rien de tout ça. Un jour, j'ai pris la fuite après avoir niqué. Salut les gars, moi je me suis fait suivre sur Paris par des gars avec des flingues. Ah, on va t'appeler Mathieu. Salut. Magnifique ça. On va t'appeler, on va t'appeler. C'est un mytho, il n'y a pas de lampe à changer ni d'ampoule. Bah si, s'il le dit, c'est bien. Et donc, tu t'es pris combien? Donc 90 euros d'amende. Et après, t'es reparti. Ah bah ouais, j'ai remercié. Le klaxon. Hein. Ouais. Attends, c'est pourquoi le klaxon plus le... Putain, ils peuvent te demander. Hein. Ah oui, ils peuvent te demander. C'est un peu du zèle, non? Et il paraît qu'il y a les pneus aussi, ouais, voilà. Qui dit là. Ah, les pneus. Dis-nous si on vous a arrêté pour un truc à la con, les flics, là. Ils vous ont mis une amende à la con. Ouais. Est-ce que vous avez déjà pris une amende? Moi, j'ai pris une amende parce que je cabrais en moto. Ah ouais. J'ai pris trois amendes. J'ai pris une amende parce que je conduisais torse nu. Je cherchais la merde. Non, mais au bord de la mer, j'ai pris une amende parce que j'étais torse nu, j'ai pris une amende parce que j'étais sur une piste cyclable en roue arrière. Ah, mais il n'y avait personne, c'était avec des potes, on s'entraînait justement. C'était vraiment limite dans un champ et il y avait une petite rue à côté de la route, enfin une mini. En fait, il n'y avait même pas d'arbre entre les deux. T'attendais que ça, quoi. Et non, mais en fait, on était avec nos scooters et tout. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Je suis d'accord. Mais ils vont dire que c'est la loi. Après, ils vont dire c'est pour pas que tu te fasses mal, mais en vrai, tu vas le faire derrière. Après, tu vas te mettre dans un champ et si jamais tu tombes, il n'y a personne qui te voit, toi. Ils ont des quotas, non, à faire. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais moi, je m'étais pris une amende. Et ça m'avait vraiment saoulé de me faire enlever des. Parce que vraiment, t'es avec tes potes, tu fais rien de mal, quoi. Ça faisait du bruit, quoi. On est... Non, mais je veux dire, on n'est pas là au milieu d'une zone pavillonnaire. On était au milieu d'un champ, vraiment, ça dérangeait personne, quoi. Moi, j'ai reçu une lettre pour dire que j'avais récupéré mes points. Bah, alors, c'est pas normal. Hein. Bah, pareil, moi aussi, j'ai reçu. Bah, je crois qu'il n'envoie pas à tout le monde. Hein. Ouais. Flo, des cadeaux, tu l'as pas reçu. Non, j'ai jamais reçu, non. Mais t'avais beaucoup de points en moins. Je pense j'en avais 2-3, ouais. Ouais. Il existe un service en ligne pour voir son solde de points, ça s'appelle Télépoints, merci beaucoup. Avec le nouveau format de points, on a un code d'accès. Ouais, mais il faut le nouveau permis, format. Ouais. Ouais, c'est la petite carte là. Non, mais ça, c'est la baise. Ouais. Ouais, c'est comme le vaccin contre la. Le complot. Comme le 11. Tu sais que par contre, moi, je vais jamais changer de permis. Il faut surtout pas prendre. Il paraît que c'est pas bon. Hein. Ouais. Pourquoi? J'aime le standard. Mais pourquoi en fait? Parce que moi aussi, tu m'as dit de pas le faire. C'est pas européen. Non, mais en fait, je sais pas, les potes qui m'ont dit de pas le faire parce que les points, tu te les faisais retirer instantanément. Le mien est dans. Alors que si t'as pas ton permis sur toi, il y a des techniques. Mais enfin bon, j'ai pas envie de me prendre une voiture noire en bas de l'émission ce soir. Ah ouais, j'ai un stagiaire. J'ai mis son art, il a un permis en lambeaux. Ah ouais, et encore, le déchet. Je l'ai rescotché, Guillaume. Non, mais toi, c'est chaud. Ah ouais, tu sais que j'ai des bouts de son permis dans ma voiture. Ah ouais, ils sont restés par terre. On l'avait oublié. Non, mais c'était pas une vanne. J'ai pris une amende de 90 euros et 4 points parce que je m'étais arrêté trop près d'un piéton qui traversait le passage. J'étais à 2 mètres. Ouais, mais ça alors. Moi, j'ai pris une amende pour la taille de ma plaque d'immatriculation non conforme sur la moto. Salut Nico. Ah ouais, ça peut arriver. Maintenant, il y a un site pour consulter les points. Ouais, mais je crois qu'il faut avec ton numéro de sécu. Ah, c'est énorme ça. De sécu, ça ouais, quoi ton le numéro rapport de sécu pour savoir. Bah, c'est la carte vitale, je crois. Ouais, non, mais ton numéro de sécu, c'est ton code d'état en fait. Ah, peut-être. Ouais. Si tu peux aller en préfecture, il te donne un code avec un identifiant pour aller sur le site internet. Ah oui, donc faut aller en préfecture avant. Ouais, faut faire la queue. Je m'en doutais. Ça, ouais. Non, ça c'est relou. Ça. Ouais, ouais. Le A, c'est 22 euros. Il y en a un qui dit, Sébastien. Ah, bah moi j'ai pris 45 balles. Hein. Ah ouais. Bon, après, j'ai pris une amende de 90 euros et rentré 4 points, pareil aussi. Alors attends, on va t'appeler. Et laisse ton numéro, après, Mathieu. S'il est là ou si par exemple il tu es dans la voiture, je sais pas, s'il aura des trucs comme ça, si j'allais dans la voiture, moi il était complet, je l'avais pas du tout, moi. Après, t'as peut-être mis un truc majoré ou t'as peut-être fait un peu chier aussi. Ouais, peut-être qu'il m'a bien baisé, ouais. Moi, qui suis chauffeur poids lourd, je suis obligé de changer mon permis tous les 5 ans, putain. Ah ouais. Moi, je me suis fait arrêter avec 1,57 g d'alcool dans le sang. Feu rouge grillé à 80 km/h devant les flics, ils m'ont rien mis. Mais non. Ah, mais c'est pas bien ça, mon Tony. T'es un mytho. Non, mais si. Ou alors, il les connaît. Ouais, ou alors. Ou il a un poste important. Mais les gars, griller les feux rouges, ça tue des motards, ça tue des petites filles et tout, ça tue des gens en voiture. Ta grand-mère, ce qu'on va demander. Ouais, faut pas le faire. Ça, c'est vraiment pas bien. C'est pas intelligent. Perso, je prends la fuite. C'est nous qui mettons les procès. Salut le flic du 60, salut à toi. Ah, salut flic. Bonsoir, attends, moi j'ai pris 45 euros pour ta page diurne. Ah ouais, ah putain, ouais, la journée. Ouais, quand tu ta page diurne. Bah, quand tu fais une fête la journée. Mais t'as le droit entre 6h et 22h. Platoon du 27, salut à toi là. Quand tu mets la musique trop fort dans la voiture aussi. T'as tout sono, ils viennent te voir. Et c'est vrai ça. Tu n'as pas le droit d'écouter avec un volume de plus de 80 décibels dans la voiture. Une fois où je me promenais avec mes écouteurs, ils m'ont fait chier pour ça. Les permis à puce pour retirer les points instantanément ont été arrêtés car trop cher et les ampoules 100 watts sont interdites maintenant. D'accord, ok. Ah ouais. Ah bah je savais pas, merci beaucoup. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, salut Mathis du 37. Bon anniversaire. Wow, c'est quoi, il y a 30 secondes de but, on se fait juste après le double 8. Tu restes avec nous 2 secondes Seb. Ouais carrément. On file des places pour l'énergie musicale. Alors on enfile vraiment 2 fois par an. Dans chaque émission on a un quota de 2 fois. Aujourd'hui pour énergie c'est nous le soir, 22h minuit. Guillaume Radio 2.0 si vous découvrez mon émission, je m'appelle Guillaume. J'ai pas cette voix là normalement là un peu cassée. Du lundi au vendredi. Voilà, il y a Julien le stagiaire. Ouais, je suis là, salut. JM au standard. Ouais, salut à tous. Julia. Salut. Et Flo des cadeaux. Salut tout le monde. Voilà, on est une petite équipe dans un petit studio pour une petite radio. mais c'est la plus grosse radio de France. Merci à vous tous d'être là les frères Roder. Seb qui est là. Denis Surman nous raconte une histoire. Et maintenant, je vous file deux places pour l'Energy Music Awards. C'est tout compris. Vous envoyez Guillaume et votre numéro au 6 11 12. Guillaume, un espace, et votre numéro de téléphone au 6 11 12. Allez-y par message. On va faire un tirage au sort dans deux minutes. On va s'envoyer deux hits, Sia et Maître Gims avec Jules. Je garde de la foi. Je suis le double hit avec Jules pour l'Energy Music Awards. Ça va être toi, seul jeu. Très gros excès de vitesse. Le flic m'a braqué avec une crotte de nez qui pendait. J'ai pété de mes peurs. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Les nouveaux permis ont une date de péremption, pas les anciens. Donc les nouveaux, va falloir payer pour le renouveler. Ah ouais, la grosse arnaque. Ouais. Exactement. Allez, vous bougez pas, 30 secondes, on se retrouve juste après ça sur Énergie. 30 secondes de pub et ensuite on se fait le double hit. On file les cadeaux et on va parler des fois vous avez dû prendre la suite. On en parle sur Énergie. Guillaume Radio 2.0, merci d'être à l'époque. Vous connaissez tous les nommés. Ils ont maintenant besoin de vos votes. Hey, it's 21 Pilots on Energy. This is Lady Gaga. C'est David Guetta. Hi, this is Coldplay. C'est Maître Gims. This is Charlie Puth. C'est Louane. Now, votez pour les Energy. Music Awards. Ça va être un truc de dingue. Votez maintenant sur Energy.fr. Oui, pour moi. Non, non, non. Pour nous. Le Crédit Mutuel donne le la au Energy Music Awards 2016, le 12 novembre. Anyway. En direct de Cannes sur TF1 et Energy. Hit music only. Événement. L'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Energy 12. Quatre équipes de trois amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Défis extrêmes, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle ? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre, à 18h15, sur Energy 12. Flou ou 7-20-12, nos experts seront là pour lever le voile sur ce qui te tracasse. Flou, F-L-O-U ou 7-20-12, tu connaîtras enfin le soulagement d'avoir les réponses à tes questions. Envoie Flou au 7-20-12. Prends ton destin en main. Flou au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, INRJ. Tremblez, Gaulois. Jusqu'au 2 novembre, Peur sur le parc s'abat sur le parc Astérix. Entre la nouvelle créature mutante de Métamorphosis, les maisons hantées et le spectacle de magie noire, préparez-vous à avoir peur et profitez de trois nocturnes endiablées les 29, 30 et 31 octobre. Conditions sur parcastérix.fr. Vous êtes invité par Énergie. Énergie. À la Énergie Live Session de Shawn Mendes. Shawn Mendes. Shawn Mendes. En concert privé Énergie. Le 21 octobre au Flow à Paris. Oh là là. Gagnez maintenant vos invitations pour ce concert unique. Sur Énergie.fr. Énergie. Numéro 1 sur les hits. Pop, R&B, Dance. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hi-Tech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hi-Tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hi-Tech. Energy Games, play again. Jouer encore. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, on se le fait maintenant. Double 8, Energy Music Awards. Il y en aura deux avant le 12 novembre. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est vraiment extrêmement rare. Ne vous fiez pas à ma voix cassée parce que c'est pas du tout ça. On vous file les deux places pour aller au NMA. Le 12 novembre, ça sera en direct sur TF1 Energy. On vous file l'hôtel, le transport. Donc vraiment tout compris. Vous n'avez rien à payer, les mecs. Hôtel, transport et restaurant. Plus les deux places pour l'Energy Music Awards qui ne s'achètent pas. Genre, c'est vraiment ah oui, c'est vrai. Faut quand même le dire. Ouais. C'est la guerre pour en avoir des places. Vraiment, année, c'est hallucinant. Je vous enfile deux maintenant. Vous m'envoyez Guillaume et votre numéro au 6-11-12. Guillaume et votre numéro au 6-11-12. On s'enchaîne 6 à Chandelier avec Maître Gim, c'est Jules Boucan. Et on va faire un tirage au sort. Les gars, ça arrive deux fois dans l'année. Bonne chance. On le fait maintenant. Guillaume et votre message au 6-11-12. J'ai trop envie de le voir, franchement, pour faire ça à ma femme pour nos 10 ans de mariage. Salut Guillaume, Vincent. Salut Vincent. Salut. On fait un tirage au sort parmi tous les numéros arrivés sur Énergie après ça. Gonna swim from the chandelier

Le mec à 2 mètres du passage piéton là. Il répond pas. Ah bah alors Mathieu, tu m'as envoyé 5 messages en me disant tu me rappelles pas et c'est toi qui nous répond pas. On t'appelle en numéro caché. Ouais, ça c'est nous. Ouais. Faut vraiment que tu répondes. Hein. Guillaume est votre numéro au 612. On va se faire le jeu des faits divers dans 2 minutes. On va retrouver Théo qui est là au standard. Bonsoir Théo de Rumini. Allô, c'est qui le papa? Salut Théo. Salut. Ça va, Théo. Parti sans la moto, mais j'ai eu la totale amende et suspension à un petit stage pour finir au chaos. Oh là là. Moi j'étais au volant de ma voiture et ma copine de l'époque était en train de me faire une fellation. Je me suis fait arrêter, j'ai pris 90 euros d'amende. Pour une fellation, je suis parti avec le numéro de la policière municipale. Salut Diamantino du 06. Est-ce qu'il le note sur le PV? Ah, ça c'est dingue. Hein. Si c'est vrai, c'est dingue hein, quand même. Ouais. Et t'arrêtes pour une pipe et te donne son numéro en cachette, c'est énorme. Ouais. Je me suis fait arrêter parce que j'avais une veilleuse de voiture qui clignotait 45 euros et j'avais deux pneus en ferraille à l'intérieur. On voyait la ferraille, ils l'ont même pas vu mort de rien. Salut les gars. Salut. Alors Théo, donc toi qu'est-ce qui t'est arrivé? On se racontait un petit peu les fois on a dû fuir. Bah alors en gros nous dimanche on était à un rassemblement de 50 en moto, tu vois. Et il y avait beaucoup de motos de run, je sais pas tu vois ce que c'est. Si si, le run c'est faire des cabré, ouais. Non c'est cabré, c'est faire des figures quoi. Bah non, le run c'est plutôt des motos genre des prototypes qui sont que sur sur circuit ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ce que je dis, c'est homologué quoi. Ouais, c'est pas homologué. Ouais, voilà. Ah, je viens stagiaire, je suis motard de l'équipe. Je suis stagiaire, j'ai mon petit cuir, je suis un bike. Sur une motard, il fait 2 mètres, il tombe. Ah non, je suis un... Bah, jamais essayé. J'ai trop envie de l'avoir, franchement. On va vous filer les places pour les Energy Music Awards. Vous envoyez au début du texto Guillaume, un espace et le message, là, au 612. On fait le tirage au sort dans 2 secondes. Guillaume et votre message au 612. À voir un petit peu ce que ça donne. On va faire un tirage au sort dans 1 minute, hein, s'il y en a qui en veulent. Ça va tout défoncer, on va voir ce que ça donne. On vous file tout compris, l'hôtel, le transport, le restaurant inclus. Ouais. Et d'abord, alors mon Théo, donc t'étais à un rassemblement de motos. Ouais, et puis bah il y avait une crosse, la crosse elle cabrait, tu vois, et puis là bah en fin de journée bah il y a trois motos de flics qui se ramènent avec le kangou. Ouais. Et puis bah du coup bah tout le monde s'est barré, et puis bah le gars il a pris quoi, et puis bah du coup on sait pas trop comment ça s'est. Ouais. Comment ça. C'était un peu un rassemblement illégal quoi. Il y en avait, à Narbonne, on se retrouvait au Noroto, devant le Noroto. Pareil, dans le. Le vendredi soir. Le Noroto, voilà. Ah, tu connais James Bond, ouais, pareil. Et en fait, il y avait le vendredi soir, il y avait des mecs qui faisaient des dérapages et tout sur le rond-point, quoi. Ouais. Ils ouvraient les capots. Exactement. Et en fait, tous les flics qui arrivaient, tout le monde partait en cours. Alors qu'en fait, après les mecs, ils roulaient un peu vite, mais c'est dans la zone, bon, il y avait personne. Ouais, faire attention, il y a personne. Ah, bah si, le problème, c'est que c'était une meuf qui passe ou une mamie. Bon, après une mamie sur une zone commerciale. C'est glauque. Ouais, vers Carrefour toute seule. C'est pas une vraie petite béquille qui passe. C'est vrai que c'est bizarre, mais enfin bon. On n'a pas le droit de faire des dérapages tout court. Voilà. Ah, c'est sûr. Ouais. Après. Tu niques le parterre aussi un peu. Après, le parterre. Bah si, tu niques un peu. Je dirais ma grand-mère. Je me suis fait contrôler pour excès de vitesse et j'ai une suspension de permis. Et du coup, ça a fini par l'annulation de permis pour solde 2 points nuls. Salut à toi. Là. Ah ouais, ça peut arriver. Moi, j'aimerais trop emmener ma fille de 9 ans. Salut, Johan. Allez, je vous file les places. Hein. Guillaume et la bonne réponse avec votre numéro au 612. On vous file Guillaume, n'est-ce pas? C'est juste le numéro de téléphone, pardon. 6-11-12, je vous file les places pour les Energy Music Awards. On va faire un tirage au sort, il y a le double 8 qui est tombé ce soir. Et alors Théo, donc rassemblement, et t'as pas pris d'amende toi? Bah non, moi quand je les ai vus en fait je me suis barré, et puis à tous mes potes ils m'ont dit ouais tu peux revenir et tout, ils ont rien dit, et du coup je suis revenu, et puis bah je les ai vus, ils se rapprochaient de nous, du coup bah là je me suis vraiment barré avec mes potes, et puis bah ouais, ouais coup, tu t'es arraché, t'as quoi comme moto toi? Moi j'ai une Derby mais avec un kit 80. Ah, donc, une Derby Standard, voilà. R. Ouais, c'est une Super Moto 3, ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est ok, très bien. Ah, t'as le kit 80 dessus, putain. Ouais, c'est ce que c'est le kit 80, j'ai stagiaire. Ah, c'est un bon kit, non? Il connaît pas, je connais rien. Tu connais les kits ou pas? C'est quoi? Sur les scouts aussi, tu peux les kitter, c'est ce que c'est? Ouais, tu me les poses sur un jeu de pot et tout, c'est pour aller plus vite. Non, un kit, c'est autre chose qu'un pot. Flo, les cadeaux. Ouais, je sais, ouais. C'est le seul qui est pas moteur. Non, mais il sait, mais il a pas dit ce que c'est. Non, mais lui, il sait toujours à chaque fois. Non, mais il dit, je sais, mais qu'est-ce que c'est, Flo, les cadeaux? C'est la taille du carburateur. Non. C'est pas 80 mm. Non, c'est pas ça. Ah, ok, bah, je sais. Julia, j'ai aucune idée. C'est changer le cylindre en fait, la partie cylindrique. C'est quoi le cylindre? C'est la voilà, tu mets un plus gros cylindre sur un petit bloc moteur en fait, et tu peux changer aussi le carbu, les entrées d'air, les filtres à air, le pot évidemment, la sortie pot. Non. Les pots ninja. Ah, c'est, tu parles en russe. Bien sûr, les pots polini, les pots polini, t'as tous les trucs, bien sûr. Et c'est énorme ça. Et donc, tu vas vite avec ta sonde d'air, tu vas combien? Je sais pas, je vais. 80 110. Non, mais non, arrêtez de dire tous 110 là, vous prenez pas 110 ici. Ah, ouais. Non, mais arrête, mes potes aussi disaient 100, 110 pour dépasser psychologiquement l'autre 200. C'est comme tu dis que t'achètes un truc 100 euros ou 99 euros, toi, mais. En vrai, vous dépassez pas 100 avec un kit 50. Avec un kit 80. Bah, ah, je sais pas. T'as changé le truc de chaîne à l'arrière ou pas le. La courroie enfin, Non, je suis en 53, mais j'ai un pignon de 15. Ah ouais, un pignon de 40. Non, non, ça veut dire qu'en fait, ça accélère moins fort, mais ça va plus vite. C'est quoi un pignon? Ouais, c'est ça. Voilà, mais attends. Un pignon de sortie de boîte. C'est comme ouais, tu sais, vélo. Mais rien un pignon. Ouais, je connais le pignon de pain, mais pas. Comment ça s'appelle le truc avec les pignons? Sur le vélo? Ouais. Qu'est-ce que c'est? À carlingue? Ouais, oh là là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Dans sa tête. Je voudrais sauver la tête. Parfois. Non, comment ça s'appelle le truc à l'arrière, là? J'ai un trou de mémoire, putain. La couronne. Non, la couronne. Et ah ouais, donc tu prends. Non, mais c'est possible, c'est vraiment le maximum, hein, c'est limite. Hein. Ouais, si, bah si. Après, j'ai tout ce qui suit en fait. J'ai le carbu, le gros carbu, j'ai de l'allumage. Ah oui, d'accord. Non, oui, non, mais t'as tout. Oui, t'as peut-être le compteur déréglé aussi. Non, excusez-moi, c'est une émission spéciale tuning. Ah ouais, c'est. T'as des flammes. Non, est-ce que t'as un kit déco dessus? T'as un kit déco ou pas sur la Derby? Non, j'ai pas un kit déco, c'est juste le cadre chromé avec les carénages bleus. Ah ouais, ah ouais. T'as un pot, est-ce que t'as un guidon rental? Non, je suis perdu, aidez-moi. Non, non, c'est un guidon de cross, ça, c'est vachement bien. Quand t'as une SM, une super motard, il faut mettre ça dessus. Une SM? Une super motard, c'est une motocross avec marrant, des roues de route. D'accord. En fait, t'es fou avec un kit 80, tu peux taper 500. Non, mais 140 sur votre compteur de merde. Mais moi aussi, sur mon compteur, il y a marqué 140. Ah ouais, j'ai même filmé à l'époque mon compteur et tout. Et mon père, il m'a dépassé à 85 en voiture. Les gars, que moi, je l'aime tellement la vie. On s'est donné rendez-vous. Non, elle va te faire enculer, t'es fou. T'as rien ou quoi, toi? Non, non, t'es fou, quoi. Non. J'ai pris. Non, j'avais une bêta. Tu vois ce que c'est, une bêta? Ouais, une bêta, oui, bien sûr. Bah, c'est énorme, une bêta. Je vais 150 en RR compétition, mon gars. Ouais, je vois bien. J'ai arraché le bitume, comme dirait le stagiaire. Par contre, j'allais à 75, mais j'avais une énorme patate. C'est contraire, j'avais une énorme couronne derrière. Voilà. Ouais, puis un petit pignon peut-être. Exactement. Bon, on va pas faire toute la soirée sur les motos. En même temps, je viens de stagiaire, à part la bite, il y a rien qui. Je croyais la peau. À part la moto, ça intéresse pas. Bah, la moto, la voiture. Non. Les filles non plus. Ah, si, les filles, plus que la moto déjà. On va parler de bonnes paires de couilles. Ah, bah, si tu veux. Mais... Et là, d'un coup, il va se réveiller. Non, mais on va parler d'en avoir des choses à dire. Alors là, il va parler des choses à dire tout seul. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Je suis pris une amende de 1500 euros pour après enlever du stagiaire. Ah, bah bien. Ah, c'est ça, ouais. DSK qui dit ça. Ah, bah super, DSK. Je suivais avec ma Saxo VTS. Ah, salut à toi. Ah, c'est parti sur la voiture. Je vous mets un petit message sur Snap, hein, Guillaume Play, PLEY sur Snap. Attends, je vais dire parce que juste pour vous dire qu'on vous file des places, on est en direct hein, sur Energy pour les Energy Music Awards. Voilà, Guillaume et votre numéro au 6-11-12. On vous les file ce soir. Voilà, je viens de vous mettre un message en direct comme ça le au moins. Le Snap en direct. Le Snap en direct. Hein, vous l'avez pas entendu, il est passé comme une petite lettre à la poste. Hein. Et donc, Théo, t'as une meuf ou pas? Parce que t'as une Nermi là. Ouais, j'ai une meuf. Ouais. Tu l'emmènes derrière ou t'as enlevé les calepiers? Bah, en fait, non, j'ai pas trop le droit de mettre des gens derrière parce que mes parents, tu vois bien, ils ont un peu peur, mais bon. Ah, ils t'ont dit, ok, mais une personne. Mais c'est ta meuf, ça va. Ouais. Ouais, mais bon, ils veulent pas, ils ont peur que. Parce que tu vois, si j'ai un accident, en plus ma moto elle est pas homologuée, du coup ça craint un peu. Quoi. Ouais. Voilà. Y'en a un qui dit salut Guillaume, j'adore Energy, je joue depuis plusieurs années, j'aimerais gagner le double beat. Signé Julien Stéphane. Je sais pas ce qui se passe dans la tête. J'avais pas vu ça, salut les gars. C'est hyper naze. Salut Guillaume, moi je me suis fait flasher à 137 à l'heure avec mon scooter équipé groupe 2. Ah, mais c'est des scooters de. Non, mais c'est. Groupe 2, c'est des trucs de compétition. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment les courses de. Et groupe 3, c'est quoi? T'es chiant et t'es qui? Non, mais je peux pas me reprocher que je m'intéresse pas au truc. C'est plus vrai que les fêtes d'hiver du France antique. Ma foi est pure, c'est vrai, rien n'a été coupé. J'ai fumé une Golf GTI, mon Nitro, salut les mecs. Émission spéciale de Roto ce soir avec Mathieu, 36 ans. Bonsoir Mathieu, qui vient d'arriver, qui voulait réagir à Théo, 16 ans à l'instant. Bonsoir Mathieu. Salut. Bonsoir Mathieu. Salut. Tu travailles dans quoi Mathieu, toi? La restauration. Dans la tu fais quoi exactement dans la restauration? Je suis pizzaïolo. Pizzaïolo. Salut. Est-ce que tu peux juste parler plus près du téléphone, mon Mathieu, s'il te plaît? Ah bah, je suis plus près du téléphone. Non, t'as une oreillette ou un écouteur? Non, du tout. T'as le haut-parleur? Non plus. T'as le droit qui tient ton téléphone, tiens-le par en haut. Ou j'ai un téléphone de merde. Ah ouais, peut-être. Ah ouais. Bah, c'était bien pourtant. Non, non, non, c'était pas mal avant, mais apparemment, en tennis, ton mais c'est parce que j'ai pas trop de voix, ça me fait un peu crier. Je parle doucement et tu parles normalement, d'accord? Non, parce que moi, je vous entends bien. Ah bah, et moi, je suis à la 300 au compteur bloqué G6R 1000 K690. Ah bon, non, mais les gars, jamais à 300 à l'heure en moto, vous êtes. Ah, tu décolles, tu peux. Ah ouais. À moins que ce soit sur un circuit avec des combinaisons et tu puisses glisser, mais en voiture, là. Si tu te craches, la moindre bosse. Oh là, c'est. Ah ouais, t'es tué instantanément. Ah ouais, c'est même pas ce qui t'arrive. Ah ouais. T'aimerais te rentrer un poteau, toi, j'ai un stagiaire. Non, pas me rentrer. T'as déjà fait de la moto rapide derrière? Rapide, non. T'es là combien déjà? C'était en ville, donc c'est quoi, 80? Ouais. Non, c'est 50 en ville. Ah, faudrait t'as pas sur internet. Rassure le sac, c'est 50. Non, mais j'ai pas réfléchi. Oui, bah 50. C'est pour Luna, le sac Hermès. Non, mais c'est vrai. Tu te balades comme ça, ouais. Et dans ta vie, t'es allé à combien en voiture? À plus de 200, 250, je crois. Ah ouais, en Allemagne, ouais. Avec son père. Avec papa. C'est naturel, tu l'avais dit. Et je l'ai pas cramé, franchement. Tu vois sur le truc, mais tu sens pas. Non, c'est quand même. Ah, si, 200 quand même. Tu es impressionnant. Non, il faut pas dire que c'est. Au début, je dormais, donc tu te rends compte. Je me réveille, je vois le compteur, je fais waouh. 200, c'est quand même chaud. Quoi. Ouais, ouais. T'as le droit là-bas. Théo qui est là, Théo, et puis Mathieu qui réagit. Et tu voulais nous dire, hein, le pizzaïole, qu'est-ce qui t'est arrivé? On se racontait des fois, on s'était fait poursuivre. Ah oui, non, moi c'est parce que j'ai fait une saison, on va dire, dans la ville de Léron, et en fait j'ai rencontré pas mal de personnes. Et puis à la fin de la saison, on a décidé de rencontrer, d'aller revoir tous les gens avec qui on avait passé l'été. Ouais, que t'as, c'est marrant ça. Ouais, c'est cool. Voilà, sauf que dans une saison, on fait des choses pas très correctes, on va dire. Et donc on est parti sur Paris pour voir des gens pour acheter un extra. Donc on les a rejoints, on nous a retrouvés au métro, on nous a retrouvés après dans un lotissement, on va dire. Et sauf que ils nous avaient donné des faux noms tout l'été. Et donc on nous dit y a pas de souci, on va vous fournir ce que vous voulez, pas de problème, on nous donne le code de l'immeuble. Sauf que c'était un faux code et tout ça. Oui. Et au bout d'un moment, en fait, les gens se pointent. Il y a d'autres personnes qui se pointent, nous disant, bah là, vous êtes fait avoir. On a fait quoi? Attends, on connaît très bien le gars, on a passé l'été avec lui. Ah bah non, mais c'est pas son prénom. C'est vrai? Comme ça. Merde. Et alors? Et là, ils lèvent leur t-shirt. Et là, on voit des flingues. C'est pas vrai? On a des flics. Ah, si. Si, si. Et alors? Donc on a. Bah là on a commencé à dire bon bah on va peut-être s'en aller. Ouais. Parce que moi à l'époque c'était encore les francs, j'ai perdu 7000 francs peut-être. C'est beaucoup. Ouais. Ouais, 7000 francs, ouais, c'est beaucoup, c'est la moitié d'une saison. Attends, dire. Mais j'ai pas compris, l'île d'Oléron, t'as rencontré un mec, t'es allé le voir à Paris et t'es tombé sur ce mec-là? Nous en fait je faisais une saison en tant que boulanger à l'île d'Oléron. Ouais. Et donc on a rencontré des mecs de Paris, on a rencontré des mecs de Poitiers, on a rencontré des mecs de partout, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et à la fin de l'été, si tu veux, les mecs de Poitiers ont décidé de revenir en stop de Poitiers jusqu'à l'île de Léron, rien que pour faire une soirée avec nous. Ouais. Donc nous, à la fin de notre saison, on s'est dit, on va profiter un peu de notre argent, on va faire le tour de tous les amis qu'on a rencontrés. Ouais. Donc on voulait faire Paris, Poitiers et Bordeaux. Donc comme ça, nous on allait à Paris, on récupérait un extra. Non mais vas-y, va droit au but, on s'en branle, monsieur, là tu pars, je veux juste savoir où il y avait les flingues et pourquoi il y a des flingues, c'est là que tu nous embrouilles. En fait, nous, on est à la radio, il y a un million de personnes, il faut aller vite au but, mon frérot, comme l'OM. On partait à Paris pour acheter de la drogue. Ah, voilà. Il est long à la sortir, sa mère. Ton collègue au standard m'a dit de pas le dire. Non, c'est moi qui lui ai dit de faire attention, de ne pas dire que t'allais que pour ça, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah voilà, normal. Voilà. Ah. Il y a un truc, il y a un truc à comprendre, il faut jamais écouter Jim. C'est la règle de base dans la vie. Tu veux réussir dans la vie, tu n'écoutes pas cet homme. Ouais. Ah. C'est important que tu penses. Ouais. Donc il m'a dit de pas dire ça, moi je dis pas. Non mais j'ai compris. Et donc tu voulais acheter quoi comme drogue? Eh bah du bédo. Ouais. Donc nous on est parti à Paris acheter du bédo. Voilà. Donc, t'avais fait l'aller-retour exprès pour du bédo. Voilà, et passer en même temps une journée avec les mecs qu'on avait rencontrés. Oui, manger un kebab et ramener du shit surtout, on a compris. Voilà. Ils étaient flics, on a compris, on a compris. Et donc alors tu t'es retrouvé avec des mecs avec des guns en gros. Ah bah ouais, et on a commencé à se voir en courant, sauf que j'ai un de mes collègues qui a un peu traîné la patte derrière. Ouais. Et là, ils ont commencé à sortir les flingues, à nous les braquer dessus, et nous on s'est barré en courant, on s'est retrouvé dans un McDo, ouais, à Paris, avec des vigiles, et t'avais des mecs qui tournaient autour du McDo, quoi. Oh là là, putain. Ah, c'est chaud. Ouais, tu te caches, quoi. Ouais, putain, c'est chaud. Ah ouais. Ouais. Quand tu vas moi, j'appelle les flics, je rentre dans le McDo, j'en ai rien à branler. Bah oui. Moi, je me fais poursuivre, je me jette dans la caisse et tout. Hein. Moi j'ai appelé les flics, j'appelle les flics. Ouais, mais ah ouais, tu veux leur dire que t'es allé les voir pour acheter du shit. Ah bah, franchement, je préfère que perdre ma vie. Tu leur dis pas, tu les balances un peu. Mais si, tu leur dis, il y aura une enquête et tout. Moi je préfère, attends que je me retrouve avec des mecs qui me tuent. C'est vrai. Bah oui, je sais pas, je réfléchis. Moi je préfère qu'ils mettent une amende parce que j'ai voulu acheter un peu de drogue que de me faire tuer. Je veux dire, à un moment donné, ça aucun sens. Bah oui, mais tu, si, parce que si tu fais une enquête. Fait embrouiller. Non, mais ils vont regarder tes portes, ton portable, tes SMS. Il vaut mieux avouer direct en fait. Ouais, bien sûr. Non, mais on parle pas. Je vais te dire franchement, on parle pas de 100 grammes. Ah. On parle de 5 kilos. Quoi. un kilo. Ah ouais, quand même. Sympa, un kilo, tu vas. Putain, toi, mais tu fais du recel? Non, c'était de la conso personnelle. On voulait profiter de notre été. Ah non, grosse conso. Non, mais attends, un kilo de bœuf ou de shit? De shit. Ah ouais, on savonne quoi. Non, mais c'est pour le village. T'as le temps. Non, mais c'est combien de savonnettes? On voulait profiter de notre été après. Attends, combien ça te coûtait le kilo? 2500 francs à l'époque. Ah ouais. Non, non, si, si. Ouais, non, mais 1500 francs, ça fait. Ouais. Non, non, mais c'est plus pareil que maintenant. Ouais, hein. Avec l'euro, là. Non, non, un kilo de shit aujourd'hui, laisse tomber. Le shit a augmenté aussi, maintenant. Ça coûte plus cher que j'ai un stagiaire. Ça va, j'ai pas de prix, moi. On peut échanger contre un kilo de nain, là. Attends, t'as déjà fumé? J'ai une sandale, ça coûte combien le gramme aujourd'hui, là? Ah, au gramme, je sais pas, mais. Moi, je fume pas, donc sincèrement, genre mes potes. 20 euros le gramme. Ah non, ça fait 20 000 euros le kilo. Eh ouais, pas. Enfin, si tu achètes moins cher quand tu achètes en gros, bien sûr. Voilà, voilà. Cette discussion. Mais donc, après la discussion de Roto, la discussion narco. On va taper sur internet. Sur le sac, c'est ça qu'elle cherche. Oh là là. Et déjà, Guillaume, t'es surveillé par le sexe. Maintenant, tu vas être surveillé par la drogue. Hein. Ah, le CSA. Ah, le CSA, il va être derrière toi. Là. Ah putain. Non, mais c'est pas moi qui dis qu'on fume. Hein. Ouais, c'est pas moi qui dis qu'on a acheté non plus. Non, fume pas, on l'achète pas. Fume pas, on boit pas. Que pensez-vous de la série Zen Nation? Salut Fabien des 54. Salut. J'essaye de gagner des places depuis des années sans succès. Et toujours rien, j'en rêve, bisous. Sans succès, pardon, Nadège. Oula! Oula, Nadège. Salut à toi. Moi, j'ai un 1000 GSXR de 2005 en full avec Kid Dino Jet. Salut à 300 km/h, je passe la 6ème. Putain, les mecs, vous êtes tarés. Mais nous, à l'époque, les 103, ils roulaient à 120 km/h, les 103 et les 51. Ouais, mais sur les compteurs, les mecs, vous faites les barbeaux. Non, vous faites les beaux et tout, mais en vrai. T'as connu les petites Polini sur les 103? Non, moi j'ai connu. Moi je suis. Moi je suis la nouvelle génération, j'ai pas connu ça. Moi je suis arrivé avec le. Moi je suis arrivé à l'époque de la Derby. De la Derby Sandaire. La Derby c'était la classe. La Derby Sandaire. Bah oui. J'avais des potes qui l'avaient. Et là, j'avais la Beta, moi la Beta. Non mais. C'est pas les mêmes motos. Les 103 c'était avant, c'était mes grandes sœurs et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'était avec les guidons là, les guidons pour les menottes là, soi-disant. Ah ouais. Ouais, vous rappelez pas les guidons un peu cambrés, il y avait des guidons, ils avaient mis des guidons ripoux là, c'était horrible, tu peux pas conduire avec ça. Ah là là, attends, alors on va retrouver toutes vos réactions les mecs. Guillaume et votre message aussi, sont doute flot des cadeaux prépare-toi dans 2 minutes. On va vous faire une histoire, il va raconter 10 histoires de meurtre. Ouais, c'est ça. Et il va falloir savoir lesquelles sont vraies. Lesquelles sont fausses? Vous envoyez Guillaume et Jeu avec votre numéro au 612. On se fait le jeu des faits divers. Il va raconter 10 histoires de meurtre. Lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses? Celui qui aura le plus de points, le meilleur au jeu, repartira avec un cadeau. Et j'ai des PS4 et des GoPro à vous filer juste après le nouveau son de Alex Ayono, la remix, le mashup avec Hasta la Manesser et One Dance sur Energy. Là. Not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, it's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray. And that's why I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold of me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing from my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé. llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un maní el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura que we win. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. I need one dance, yeah. One more time before I go. Higher power taking a hold. I need one dance. Quedarme contigo hasta el amanecer. Pour 2 heures, val plus qu'une journée entière. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, on va faire les histoires glauques là. J'ai besoin de deux d'entre vous. Deux d'entre vous, on va se raconter 10 histoires de meurtre. Flo des cadeaux nous raconte ça à chaque fois, 10 histoires de meurtre. Et c'est sur quel thème ce soir? C'est sur les enfants tueurs. Sur quoi? Les enfants tueurs. Ah oui, pas tués, les enfants tueurs. Les enfants meurtriers. Les enfants qui ont commis des meurtres. Oh. Et genre, c'est choquant? Bah ouais, c'est chaud, surtout les âges en fait. C'est, oh putain, c'est très jeune. Aurais-tu leurs parents? Ah, y a un peu de tout. C'est énorme. Vous bougez pas deux minutes. J'ai besoin de deux d'entre vous, les mecs. Guillaume, et vous marquez je. Avec votre numéro au 6-11-12. J'ai besoin de deux joueurs, c'est hyper marrant à faire. Vous aurez qu'à dire à chaque fois vrai ou faux. Est-ce que vous pensez que l'histoire de Flo des cadeaux est vraie ou elle est fausse? Il en a inventé un certain nombre, il en a pris un certain nombre de vrais. Il faut deviner quand il les raconte si c'est vrai ou si c'est faux. C'est des histoires en une phrase. Demain, on reçoit Big Flo et Oli, hein, qui sera avec nous. Nadji qui arrive, voyager, la nouveauté, la découverte ici. Elle me fait voyager. Nadji voyager. 20 euros le gramme, mort de reste, entre 5 et 10 euros le gramme. Il a craqué le gars, le shit, c'est 4,5 à Lyon. Sur un 20 balles. Pour un kilo, il y a moyen de toucher à 2000 euros, voire moins. Salut les mecs là. Hey, y a tous les mecs et tout. Ah ouais, le commerce. Les gars, on peut pas trop en parler, vous allez imaginer. Moi j'en ai rien à branler, c'est juste qu'après ils vont nous faire chier. Voilà. On fait le million de Jean-Pierre Foucault. On parle bizarre pour les parigots. Tu dis t-shirt, on dit tricot. Mon pied, on n'a pas le même déco. Le col levé comme Cantona. Pas d'attomber du cantonné. On s'embrouille pas. Nouvel extrait de Soprano sur l'album L'Everest là, qu'il est venu présenter d'ailleurs jeudi, le jour de la sortie. On a trop rigolé avec Soprano. Il y a Jules dessus. Il est énorme celui-là. Allez, juste après la pub, on se fait le jeu des faits divers. J'ai besoin de deux d'entre vous. Guillaume et je avec votre numéro au 612. Deux d'entre vous maintenant sur Énergie pour jouer. Gagnez vos invitations pour les Energy Music Awards. Écoutez, dès que vous entendez le double hit Énergie avec Sia, c'est Sia. Et Maître Gims à la suite. Maître Gims. Appelez Énergie 3937. Énergie. Et gagnez ce que seul Énergie peut vous offrir. Vos invitations pour les Energy Music Awards. Merci Énergie. Les Energy Music Awards le 12 novembre en direct de Cannes sur TF1 et Énergie. Hit music only. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hi-Tech. Salut, c'est Pépé Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la high-tech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hi-Tech. Energy Games, play again. Jouer encore. Amour, gloire, beauté, des mots qui font fantasmer, hein? Destin, au 7-20-12. Arrête de rêver et découvre tout de suite ce que l'avenir te réserve. Envoie Destin, D-E-S-T-I-N, au 7-20-12 et nos experts te révéleront si tu rencontreras l'amour. Destin, au 7-20-12, si tes projets se concrétiseront. Destin, au 7-20-12, si tes doutes étaient fondés. Envoie Destin, au 7-20-12 et tu sauras tout. Destin, au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, e-énergie. Got the club going right on Tuesday. Got your girl in the bed and she choosing love. you do. So I got a club on night on a Tuesday. Got you girl in the pretty shake Tuesday. Club on night on a Tuesday. Got you girl in the pretty shake Tuesday. Club on night on a Tuesday. Got you girl in the pretty shake Tuesday. Club on night on a Tuesday. Got you girl in the pretty shake Tuesday. Fall plus qu'une journée entière. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie. Ça va être l'heure de faire ce jeu des faits divers. Je vais prendre deux d'entre vous au standard. On va se raconter des histoires qui font peur. Mais alors, vraiment, il y en a des violentes. C'est en rapport avec des bébés tueurs. Oula. Le mec qui s'occupe des cadeaux avec nous dans l'émission, qui s'appelle Flo des cadeaux, va les raconter dans un instant. Il en a préparé une partie et pris une autre partie sur le nez, donc une vraie partie. Il va falloir savoir laquelle est vraie et laquelle est fausse. A chaque fois que vous aurez une bonne réponse, vous marquerez un point. Il y a Pokora qui est sorti. Non, c'est Alexandre, Alexandre. Ouais. Il a sorti l'autre, je dis une connerie. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que j'ai tous les Pokora, j'ai tout. On va les écouter dans deux minutes. Juste avant, je vais vous offrir les places pour le double hit. Je vous laisse encore 20 secondes, les mecs. Guillaume, allez-y. Guillaume et votre numéro, juste au 6-11-12. Je vous file des places pour les Energy Music Awards. Venez pas pleurer dans un mois si vous n'avez pas joué. Il n'y en aura plus. À chaque fois, ça se passe au début. Au milieu du mois d'octobre, on sait très bien qu'ils sont là. Là, j'ai le droit de vous offrir le transport, l'hébergement et le restaurant inclus. C'est-à-dire que vous payez vraiment rien. Vous partez à la cool. J'aime du standard. Oui. Je vais te demander de commencer à te diriger vers le standard, s'il te plaît. Je dis bien te diriger, attention. Doucement, hein. Allez-y, hein. Guillaume et votre numéro. Guillaume et votre numéro. Au 6-11-12. On va vous filer ça. Ça va sonner chez vous dans un instant. J'appuie sur le bouton. Gagnez vos invitations pour les Energy Music Awards. Allez. Le logiciel se met en route. Guillaume et votre numéro. Maintenant, les gars. Guillaume et votre numéro. Juste ça. Guillaume, votre numéro au 6-11-12. Je vous file déplacer le W8 Energy. Il est tombé il y a quelques minutes. Des places pour les cinéma, l'hôtel, le restaurant, avec le tout compris. J'appuie sur le bouton. Les dés sont jetés. Putain, dans 3, suspense. 2, oh là. 1. Voilà, le numéro est validé. Ah. Nous sommes en direct, 23h28. Il ouais. Y a pas d'arnaque. Hein. Ah bah non. Il y a du foot. Sochaux, bah tu lances. Voilà. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir à toi. Salut. C'est un homme à la voix cassée, meurtri qui te parle. Ça va, c'est quoi ton prénom? C'est Anaïs. Ça va, Anaïs? Salut. Oui, super. Enchanté, enchanté ma chérie Anaïs. Quel âge, quelle ville, quel coin, quel... 23 ans, Perpignan. Quel sexe? 23 ans, ah, Perpignan. Où ça, Perpignan? Dans Perpignan, en fait. Où ça? Quel quartier? C'est quoi la rue? Non, quel quartier? Genre, pas Vernet, Auvernet, Mayol. Vers la fac, très bien. Ça fait pas longtemps que t'es à Perpignan? Si, depuis que j'ai 4 ans. Ah ouais. Donc tu connais bien. Comment s'appelle le Château Rouge? La tour Château Rouge au le milieu. Castillet. Voilà. Test. Voilà. Tu fais quoi dans la vie, Anaïs, 23 ans? Je suis animatrice. De quoi? Avec les enfants. Ah, énorme. Où ça? Dans les écoles. Tu payes combien? Non, je rigole. Ah, Anaïs, je t'envoie. Évidemment, gratuitement, tout compris, au Energy Music Award. C'est Anaïs. C'est gagné. Bravo. Hey, merci beaucoup. C'est le 12 novembre. 12 ouais. novembre. C'est un samedi, le samedi. Exactement. Voilà, vous notez bien. Voilà, vraiment, c'est super important. C'est vraiment le truc de l'année. Il faut dire ce que c'est vraiment. Moi, j'ai déjà eu la chance d'y aller. C'est exceptionnel. C'est un peu le bal de fin d'année. Vraiment. Ah bah oui. L'énergie musicale, c'est un truc de fou. Le 12 novembre, rappelez-vous, si vous voulez y aller, on vous filera des places encore dans le double hit. 12 novembre, la plus grande soirée musicale de l'année. Ça va se passer sur TF1 et Énergie en même temps. Je te fais un gros bisou, mais si tu veux faire une dédicace. C'est vraiment super. dédicace à tous ceux qui me reconnaîtront, à tous mes amis. Non, voilà. Mais c'est... j'ai pas envie de faire une émission larmoyante là ce soir. C'est... on n'est pas là pour être choqués, on est là pour prendre du plaisir. Tu prends du plaisir toi ce soir, Anaïs? Oui, je prends beaucoup de plaisir. Ouais. Ah. T'es en couple, t'es célibataire, tu fais du sport, c'est quoi ta vie? Non, je suis célibataire et j'aime pas trop le sport. Ah, d'accord, ok. T'aimes quoi? Tu rencontres des mecs un peu. Oh là là, le relou. Ah, mais c'est... Oh là là, le relou. Elle lui a rendez-vous Tinder, il est chiant. Tu rencontres des mecs un peu en ce moment à Perpignan? En ce moment, ça vient, ça va, et voilà quoi. Il y a du BG à Perpignan ou pas? Pas beaucoup. Ah, pas si. Beaucoup. Et t'enverras au NMA au pire. Il y a du mec viril. Y a du mec viril. Ah, j'ai habité à Barcarès pendant 10 ans, 7 ans. Et il y a du monde viril à Perpignan. Et les rugbyman déjà. Barcarès, ouais, peut-être, mais pas Perpignan, ah, si. C'est moyen quand même. Ah non, on a toujours l'impression que c'est pire, c'est mieux ailleurs et tout. C'est un beau catalan, franchement. J'ai un stagiaire, il adore. Les catalans. Mort. Bah là, il y a des beaux catalans, c'est sûr. Des belles catalounes. Jeunes. Oh là là. Le mot catalan. Catalane. L'omelette catalane. Comme la crème. Mais de quoi l'omelette? L'omelette norvégienne, je confonds. Non mais. Non mais t'es exprès, c'est pas possible. Non mais je fais. Non mais mec, tu parles trop vite, on parle de ça. Oui. Le pire, c'est que ça existe, l'omelette catalane. Ah, ben tu vois, je l'avais déjà entendu, c'est aux légumes. Mais bon. Mais tu prends n'importe quoi, tu dis l'omelette. Ah, oui. Non, mais catalane, ça existe. Il doit y avoir l'omelette parseillaise, je pense. Eh, bah, sûrement, l'omelette du sud. Ah, bah oui. Une bonne omelette, n'empêche. Une bonne omelette à l'olive, c'est bon ça. Non, mais j'adore. Ah, oui. T'aimes ça les œufs, toi? T'aimes ça bouffer les œufs? On parle omelette maintenant. C'est bien ça. Attends, on parle de ce qu'on veut, en fait. Bah, oui. Faire chier sur parler. Quel CC m'empêche de parler de ça, de ça. On peut pas parler d'omelette. Bon alors, Anaïs, non, t'habites où? Je plaisante. T'es comment physiquement? T'es brune, t'es blonde? Comme ça, si un jour je te croise à Perpignan, j'y vais tout le temps. Je suis brune. Brune. Les cheveux un peu coupe au carré, genre un peu alisé? Non, les cheveux épaules. Hein. Un tie and dye. Oh là là. Il est. T'as eu une tie and dye. C'est seulement qui connaît en coiffure. Oh là là. Pas ici, ça c'est fou ça. Carré plongeant. Tie and dye en. Ouais. Non mais c'est super ça. Ouais. Tu t'es fait une coupe que t'as regretté une fois, ça t'est arrivé de te couper les cheveux et que ça soit sale, vraiment dégueulasse, genre moche? Ouais, une fois j'ai coupé la frange et ça m'allait vraiment pas. Ah oui. Ouais. C'était vraiment horrible quoi. Il y a des chanteuses qui essayent des nouvelles coupes là, genre Chaim. Ah Chaim, j'aime pas par contre. Elle s'est fait blonde encore. Mais de quoi? Elle a changé encore Chaim, elle s'est fait blonde. À blond de Mexique. Ouais. Non. Ah j'adore. Non. J'adore. C'est pas beau. Non, t'aimes pas, j'essaie. Franchement, je la kiffe de ouf. Avant, mais là aujourd'hui non. Ah c'est vrai, moi ça donne cheveux un court, côté blond. Je trouve que ça donne un côté un peu frais. Ouais. Ah non pas moi. Hein. Ah j'aime bien. Moi, ça la vieillit, c'est pas. Ça la vieillit du tout. Ah ouais j'aime pas. Hein. Non, j'aime bien, ça fait un peu femme et tout. Bah oui. Ouais. Bah elle fait femme. T'as envie de lui tirer ses petits cheveux qui. Bah elle a plus de cheveux, ils sont trop courts les cheveux. On l'a jamais reçu Chaim. Les cheveux courts ça donne trop envie de les tirer en plus. Faudrait qu'il refasse des morceaux quoi pour qu'on l'invite. Ah Chaim elle fait quoi là? C'est vrai, c'est vrai. On reçoit Tal par contre. Ouais. Elle a des beaux cheveux Tal. Ouais exactement. Le 2 novembre revient Tal. Ouais. Mais juste agir, je te permets pas. Non mais c'est un jeu. Ça peut être un jeu marrant à faire. On peut le garder. Non, Tal, excuse-moi, ils vont le écouter. On fait le million, nous sommes plein, on veut les cheveux de Tal. On parle bizarre pour les parigots. Tu dis t-shirt, nous on dit tricot. Ne dites pas à Tal que je vais lui tirer les cheveux sur Twitter. Non, ça va mal finir. Bah oui, elle va pas venir. Je vais me retrouver dans Closer en disant putain, j'y respecte pas les gens. C'est Julien Stagiaire qui a dit ça. C'est vrai, ouais, j'assume. Je ne cautionne pas, je m'excuse. Non, voilà, je suis tout seul là. Je m'excuse auprès de l'équipe. Pardon, elle est gentille, Tal. Elle est très, très, très, très belle. Adorable. Non, vraiment, elle est extrêmement. Moi, vraiment, c'est une fille qui me. Elle a du charme. Elle a des beaux traits. Non, je vais pas dire qu'il m'excite parce que c'est vulgaire. Elle a une belle bouche. Non, on va le découper aussi. Je la trouve très excitante. Enfin, très excitante. Ça peut être un idéal. Je dis pas qu'elle m'excite, mais je dis qu'elle est excitante. Elle a du beau rouge à lèvres. Ouais, exactement. Je la trouve assez sexy. Pulpeuse, ouais. Elle a des belles jambes. C'est mignon, ça. C'est mignon. Oui. D'avoir des beaux petits pieds. Je viens de te dire, mais toi, t'es sale. Non, mais c'est sûr, elle a le physique, c'est sûr. Je croyais que t'aimais pas les pieds. Tu sais pas trop. Ah, si, bah moi, j'ai jamais dit que j'aimais pas les pieds. Bah, si, au début, t'étais pas. Oui, mais que moi, je le disais. Je me rappelle une période, j'ai. Oh non mais maintenant je kiffe les pieds. C'est quoi le titre de Penel que tu passes? J'ai tout l'album. Je sais pas ce qui fait mon. Je sais pas lequel tu passes. Il y a jusqu'au dernier gramme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois. Je voudrais sauver la terre. Parfois. Je voudrais la voir brûler. Tu touches une prime de la coto pour avoir le stagiaire. Non, j'ai pas fait exprès, j'ai pas compris. Je n'arrive plus à me mettre avec une femme, pourtant je plais, mais je fais tout. pour repousser. Je fais mon bif, wah, wah, wah. Ça c'est Bambina. Et donc Anaïs, tu vas où en vacances toi vu que t'habites à Perpignan? Je pars pas trop en vacances, parce qu'en général, voilà. T'as la mer chez toi. Non, mais c'est l'avantage en plus d'habiter à Perpignan. Ah oui. Ça, c'est vraiment. Mais tu vas à la montagne, d'un côté, c'est pas mal, ouais. Et tu bosses quoi? Ouais, c'est montagne-mer, quoi. Tu bosses où l'été? Toujours en animation. Ah ouais, centre pour enfants et tout, ouais. C'est toute l'année, donc ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est énorme. 23h35 sur Énergie. Non, mais ça, c'est vrai. Et ça, c'est bien. Tu vas à la mer un peu, tu te baignes, t'es une bouffeuse d'eau salée, toi. Ça arrive, ouais, bah, je suis à côté, donc. Putain, ouais, quelle chance. La mer, ça m'agresse. Moi, j'ai fait de l'eczéma. Et, c'est un vrai problème. Ah ouais. Je me fais un peu. Je te jure, ça me brûle dans le cou et tout. Et je suis vachement plus mer que piscine à la base. Ah bon? Ah ouais. Ah non, tu mets la piscine. Ah, mais toi, t'aimes rien de ce qui est nature. Illogique au possible. Non, c'est. Sur le sac, c'est ça qu'elle cherche. Un grand coup de bite, Uber Pop. C'est comme ça pour Jeunesse Désir, c'est sûr. Non. Uber Pop. Pas du tout. Salut, moi, c'est Mélanie. Moi, je fais blonde platine en brosse. Ça fait très sexe. À la brosse? Non mais blonde platine en brosse, ça fait un peu desireless, ouais. Non ouais, bah ouais, ça fait un peu ouais, non c'est ouais, si c'est cool, ça peut être joli, on critique pas, hein. Stagiaire, elle va se faire la coupe de Clo-Clo. Ah, excellent. Bon, Anaïs, tu vas y aller avec qui d'ailleurs, du coup, là, au Energy Music Awards avant qu'on fasse le jeu? Je vais y aller avec une amie, je pense. Ouais. Je sais pas encore qui, mais je vais faire mon choix bientôt. Bah, je sais pas, t'as une meilleure amie ou pas? Non, autant plusieurs. Bah, fais un casting. Non, non, pas vraiment, non, j'ai plusieurs amis proches, donc je vais voir parmi elles. Ah ouais? Ouais, bah ouais, du coup. Vous avez vraiment un meilleur ami. J'aime du standard. Ouais, tu le sais, moi, c'est mon pote Anto. Ouais, dans le sud. Pour les 30 ans et tout. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont montés pour ses 30 ans, surprise. Les deux, Anto. Dans l'émission avec Jeff Panaclock. Grave, c'était. Ils étaient contents de voir Jeff Panaclock en vrai et tout. Ils étaient. Ça les a fait marrer. Franchement, ils étaient super surpris. C'était trop heureux de voir Jeff Panaclock. Ah, ils savaient pas. Mais plus, ils savaient pas, je crois. Ah, oui, d'accord. Je leur avais pas dit, moi. Ils ont fait une photo avec et tout, non? Je crois pas, ils ont fait des timides. Ah, ils voulaient pas déranger, en fait. Ils ont fait comme si de rien n'était. J'ai vu quand ils sont rentrés, ils ont fait genre, ils ont pas regardé du tout. T'as reconnu à quelqu'un, genre t'es limite froid avec lui. Tu veux faire genre, tu l'as pas reconnu et tout. Ça m'est arrivé en soirée, moi, de croiser d'autres chanteurs et tout. Genre, dis à peine bonjour, je fais salut, ça va. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, je parle. Alors que dans ta tête. Ouais. Non, mais je parle des chanteurs, genre, je m'en plus. Je vais parler de chanteurs plus vieux et tout. C'est genre, j'ai croisé Obispo une fois en soirée. Ah, il est connu quand même. Ouais, c'est marrant quand même, il est connu en soirée, tu dis pas. Pascal Obispo. Après, moi, j'en ai rien à branler. Ou Johnny. Je suis pas un groupie. Bah, tu fais une photo. Mais c'est juste rigolo de se dire, c'est lui. Mais faut juste pas faire des gros yeux quand tu vas en soirée. Quand il te dit bonjour, tu fais, oh putain, c'est vous, Pascal. Je pense que t'es habitué. Tu vas le faire chier. Faut pas lui chanter Lucie. Ah ouais. C'est Lucie. Ouais, Lucie. Ah, c'est la chanson de Pascal. Ou Lucie, ouais, c'est une connue. Ouais. T'es déjà tombé sur une star en soirée, Jim du Standard, je sais pas, dans une boîte ou un truc comme ça, où tu tombes vraiment nez à nez avec une star? Ouais, une fois, c'était Eric, de Eric et Ramsey à l'époque. Ouais. Je venais d'arriver sur Paris, en plus, j'étais sur le cul, j'avais halluciné. Ah. Et j'ai pris une photo et voilà, j'ai bien kiffé. Il y en a qui Qui c'est? Eric, d'Eric et Ramsey. Ah oui. Eric Judor. Salut, moi, c'est Mélanie, mais non, je suis en brosse, style 1 cm. Salut, attends, une petite brosse. Une grossette. Ouais. Ah oui, non, mais alors, ça fait un peu couple lesbienne. Ouais. Et ça peut être assez sexy. Ouais, faut aimer. Non, je te jure que c'est vrai. Moi, j'ai une copine qui est un peu. On la prend tous pour une lesbienne et elle m'excite à mort. Ah ouais? Je te jure, c'est vrai. Elle a les cheveux juste blonds. C'est quand t'as les cheveux courts, en fait. Brun sur les côtés et un peu en arrière et tout. Et en fait, elle est assez. Un peu groupe garçon, mais elle est excitante quand même. Elle est très jolie de visage. Ah. Ouais. Et en fait. Très belle. Faut être très. Ah oui, les cheveux courts. Les cheveux courts. Et en fait, c'est vrai que. Étonnamment, tu dis putain, si t'es en levrette avec elle. Ouais. T'as l'impression que c'est un pote. Faut mettre un miroir. En plus, elle a pas trop de seins, elle est assez mince, elle est assez petite. Oh bah là, mais elle est très sexy au niveau du visage. Non, mais un peu comme Albéry, tu vois. Ah ouais, attends, franchement. Ouais, non, mais non, si elle a un petit nez, la fille. Si, ce qui est bien, c'est les cheveux longs des filles. Non, non, franchement. Une fille avec les cheveux courts qui est mignonne, il y en a une. Dis-moi-en. Non, mais elle est petite, elle sera belle plus tard, mais Stranger Things, elle est rasée et ça n'empêche pas qu'elle ait un joli visage. Elle va devenir éternelle. Et salut Guillaume, fais-nous un petit couscous musique. Ah ouais, je vais le faire avec plaisir. Julien Stagiaire, il tombe souvent sur Michou en soirée. Ah non, je connais pas Michou. Moi, c'est Julie, je vais toujours chez un coiffeur homme, coupe mec. Et ben voilà, tu vous faites des petites coupes à la garçonne. Non, mais ça peut être joli, hein. Et ça va pas à tout le monde. C'est un style. Ah ouais, c'est un style. Julien Stagiaire, c'est une coupe de femme sur lui. Non, mais. Il a essayé la coupe à Chantal là-dessus. Non, mais il y a des mecs qui ont les cheveux longs, ça leur va pas. Julien Stagiaire, il s'est fait une frange devant. Je peux même plus. Ah, putain, il est encore perdu, je crois, sur le dessus. De quoi, Julien? Mais il est méchant, pourquoi il dit ça? Non, j'ai regardé. C'est vrai qu'au niveau du casque, il n'y en a plus. C'est ça, j'aime ça. C'est parce que je fais de la radio, c'est ce casque de merde. L'ajusteur, il me fait perdre des cheveux là. Désolé, j'ai vu ça. Je vais arrêter de mettre le casque. Quoi, j'aime ça. J'ai vu ça tout à l'heure et j'ai trouvé que tu avais un peu moins de cheveux encore sur le dessus. Non. Alors, si je peux me permettre une réflexion capillaire sur J'aime du standard, il en perd aussi. Ouf, je comprends pas pourquoi mon équipe se fait du mal. Ouais, mais non, mais il m'attaque, je riposte. Non, mais vraiment. J'ai des cheveux blancs, moi, en plus, sur les côtés. T'as des cheveux blancs, j'ai sur les côtés, regarde. Ah, je l'ai pas dit, j'ai des gentils. Vois pas. Là, tout ça. Là. Les arrache pas. Ah, ouais, 2-3, ouais. Ah, oui, 2-3. Si, si. C'est la maturité. Tu vois, j'avais dit que le corps était symétrique. Ah, ouais, c'est vrai. Tu te rappelles? Je te dis, j'ai un bouton à gauche, j'ai un bouton à droite. Et ben là, t'as un cheveu blanc exactement au niveau. Non, mais c'est pas une vanne. C'est ouf, ouais, c'est vrai. Et je vous dis que le corps est symétrique. Ouais. On va comprendre ça. Que quand tu te fais mal à un truc, t'as mal aussi. Ah, c'est bizarre. À droite et à gauche. Quand j'ai un grain de beauté qui arrive ou un poil, j'en ai un à gauche aussi. Mmh. Ah, quand j'ai un bouton à gauche, j'ai un bouton à droite. Non, c'est dingue quoi. C'est pas prouvé ça. Quand j'ai mal à la couille gauche. Salut Guillaume, merci pour les messages les frérots. On se fait le jeu maintenant des faits divers. Je te fais un gros bisou Anaïs, en tout cas bravo pour tes places. Bravo Anaïs, bisous, bravo. Merci beaucoup, vous êtes géniaux. Allez, je t'embrasse très fort. Et tu connais depuis quand mon émission toi d'ailleurs? Moi ça fait à peu près 2 ans et demi que je connais. Ouais, t'es abonné, t'as oui, je suis abonné sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Merci. Mais je veux dire, t'as le magazine et tout ou bah non? T'as la carte d'abonné? Ah non, par contre, non. Non, t'as pas le magazine, tu reçois pas tous les mois, l'hebdo qu'on sort? Ah ouais. Mais non, mais. Guillaume Mac, tu l'as pas. Tu l'as pas, Guigui Mac? Non, attends. Non, mais si. Guitou 2.0. Avec le poster. Ouais. Un match de stars, c'est un match. Non, t'as vu celui de Soprano cette semaine, c'est sûr. Et Jeff Penaclone derrière, et au milieu, il y a le poster de Biflo Lee, t'as vu. Et à l'arrière, t'as la silhouette de Tal à découper. Non, c'est pour rire, y a pas de magazine, hein, je rigole. Oui, je me disais aussi. Non. Alexandrie, où tout commence et tout finit. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Hello Carole, coupe courte, très courte, 80A, donc plate, et mon homme adore. Ah oui, non, mais moi j'adore. Ah là, oui. Moi j'adore. Cheveux courts. Si la fille est très jolie, moi mais ça oui. Me rend dingue. Ah ouais, il y en a plein. Non, mais c'est vrai, hein. Flo Decalo, une coupe courte pour une fille. Il y a Nathalie Portman à qui ça va hyper bien. Ah ouais. Elle est hyper jolie avec les cheveux courts. Ah ouais, c'est vrai, il y en a plein. Hein. Bah, il y en a plein, on sait pas. Toi, je vais te dire, toi, tu préfères la coupe en brosse, toi. Non, moi, j'adore les cheveux, donc les cheveux longs. Ouais. Une fille aux préfères la coupe de punk. Ouais. La grosse crête. Il y a Pink qui fait la coupe à Joule. La coupe de Joule, pour Jules Césaire. Pas du tout, non. Avec le petit coup de ciseau dans le. Ah là là, le meilleur ami de Jules Césaire, c'est Magloire. Ah non, il a postulé pour faire le prochain road trip avec lui. Guillaume, et votre message aussi 11-12, si vous voulez balancer une dédicace, un message, une réaction à l'antenne, ou quoi, on fait de la radio ensemble, les frérots. Merci beaucoup, en tout cas, Ney. Je te fais un gros bisou. Je te repasse le standard. Gros bisous à toi. Bisous, bisous. Salut. Il y a Léa qui vient d'arriver pour faire le jeu. On fait le jeu des faits divers. Ça va, Léa? Oui. Ça va. Enchantée, Léa. T'as 16 ans. Oui, c'est ça. Et t'appelles Danger. Eh ben, sois la bienvenue. Oui. Salut. Alors, on va faire le jeu avec toi. Le jeu des faits divers. On va raconter 10 histoires de meurtre. Il va falloir savoir lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. On va le faire maintenant. Et face à toi pour jouer, il y a Nico. Bonsoir, Nico. 14 ans de Talence. Allô. Ça va, frérot? Salut. C'est qui, papa? Ça va ou quoi? Enchanté. Ça va. Ouais, il faut que tu parles plus fort, Nico. Ok. Ah ouais, voilà, là c'est bon. Non, mais faut pas que tu mettes ton doigt ou si t'es sous ta couette et t'essaies de bien tenir le téléphone, d'accord? Ouais, c'est bon. T'inquiète, hein, je comprends. Tu me dis c'est bon, mais ça recapte plus. Ouais. Bon, allez, vraiment, mets-toi bien près du téléphone et tiens bien le téléphone par en haut, c'est tout ce que je te demande, d'accord? Voilà, là c'est bon. Ouais, là c'est parfait. Il y a Léa. Léa, donc 16 ans, toi t'es dans Gien en 49, mais et toi à côté de Bordeaux. T'es en quelle classe, Nico, là? Ah, moi je suis en 4ème. En 4ème, très bien. C'est limite, mon Nico. C'est limite. Tiens bien le téléphone. T'as les écouteurs ou pas, Nico? Ah non. Non. T'as le haut-parleur? Non. Non. Alors, tu vas mettre ta main devant ta bouche pour orienter le son vers le téléphone. Ok, là c'est bon. Merci. T'as multiplié par 10 ton niveau. Bravo, Nico. Apprends à téléphoner, Guillaume Play. Allez, on y va pour le jeu. Flo des cadeaux, ouais. Léa, Nicolas. Vous pouvez jouer chez vous si vous êtes entre potes et tout en voiture, ou si vous êtes à la maison, bah bougez tout seul. Hein. C'est hyper marrant de deviner. Est-ce que le meurtre est vrai ou est-ce que le meurtre sort de l'imagination sordide de Flo des cadeaux? Guillaume, et vous pouvez jouer avec nous par SMS, je lirai les messages si vous avez des vannes ou quoi, vous voulez réagir. Flo Décadon, on t'écoute pour la première histoire de meurtre en rapport avec les bébés tueurs. Les enfants tueurs. Ouais. Les enfants tueurs, pardon. Oui, les bébés tueurs, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ils ont des mitraillettes qui sortent des yeux. Dans les films et tout. Alors, c'était en 2012 aux États-Unis. C'est un mec qui s'appelle Kevin Myers, qui avait 8 ans, qui a tué son petit frère de 6 mois à coups de pierre et qui lui a coupé les deux bras. Et en fait, quand on a trouvé le cadavre de son petit frère, on savait, personne n'a suspecté en fait Kevin. Il y avait juste un bras qui manquait à son petit frère. Et en fait, deux semaines après l'enterrement, il y a les parents qui ont fouillé sa chambre parce qu'il y avait une forte odeur. Et c'est là qu'ils ont découvert en fait le bras manquant dans la chambre du petit frère, enfin du grand frère. Il portait des... Attends, t'es en train de bafouiller. Petit frère, grand frère. Bah là, il lit l'article. Donc. Non. C'est vrai. Ouais, non, mais. Non. Attends, Flo Descadeaux. Alors, j'ai un stagiaire, ne dis pas. Inspecteur. Flo Descadeaux. Ouais. On va recommencer parce que ça sent un peu la couille. Okay. Concentrez-vous et essayez de deviner si c'est de la merde ou pas. C'est un petit de 8 ans qui a tué son petit frère de 6 mois. Où ça? Aux États-Unis, j'ai okay. pas la ville exacte. Oh, comme par hasard. Sauf que quand on a trouvé le cadavre, personne suspectait le petit de 8 ans. C'est cela. Il manquait juste un bras au cadavre. C'est et en fait, à deux semaines après l'enterrement, il y a les parents qui ont fouillé la chambre de Kevin, de 8 ans, parce qu'il y avait une odeur. Et c'est là où ils ont découvert le bras manquant. Non, mais j'essaye d'être clair. Ah, bah tu l'es pas. Hein. c'est clair, ok. Et donc, en fait, bah, du coup, ils l'ont arrêté et le bras avait des traces de morsure. Et sauf que le petit a jamais dit ce qu'il avait, puisque depuis 2012, la date à laquelle ça s'est passé, il a plus prononcé un mot et il sera incarcéré jusqu'à ses 18 ans. Nicolas, vrai ou faux? Vrai. Toi, tu dis que c'est vrai, frérot. T'es dans quel bahut à Talence là? C'est en collège à Bordeaux, collège Chauve-Russe. Collège quoi? Parle plus fort. Chauve-Russe, ok. Léa, vrai ou faux? Faux. Faux. J'ai un stagiaire. Vrai. Il l'a lu pour moi, c'est un article qu'il a trouvé sur internet et c'est vrai. Tu dirais vrai. Ouais. Jim s'en a. Faux. À quel moment le mec il Julia. Parle plus et tout. Faux pour moi, ça met plus longtemps que deux semaines à appuyer un bras. N'importe quoi. Bah non, un bras. Alors, ouais. Mais on n'en sait rien. C'est comment ça paraît des bras. Moi je dirais Flo. Faux. Je dirais faux, Flo des cadeaux. Je dirais faux. Pourquoi je dirais faux? Ouais. Parce que tu nous as amené vite le prénom. Ouais. Kevin, il aurait inventé Kevin Mayer, ça, c'est inventé, tu crois? Kevin Mayer, c'est possible. Comment il... Mais il y a finalement assez peu de Kevin aux États-Unis. Il y a assez peu de Kevin, il y en a même plus en Europe qu'aux États-Unis de 18 ans. Kevin. Voilà, tu vas loin dans le truc. Attends. C'était où aux États-Unis? J'ai pas le lieu exact. Il n'a pas le lieu exact. S'il l'avait inventé, ouais. Guillaume, il aurait trouvé un état. Non, ouais. Je dirais quand même faux, et la réponse est... Bah c'est faux. Ouais. T'es bien sûr de toi, j'ai un stagiaire. Ah, trop sûr de moi, putain. T'es trop sûr de toi, ça. Ah, je suis nul. Oh. Léa, bravo, un point. Bravo. Bien joué. Je l'ai fait d'hiver le lundi. Demain, on fera quoi, JM Sandard? Demain, on a Big Flo et Oli. Ah, demain, on a Big Flo et Oli, exactement, en invité. Léa et Nico, attention, deuxième histoire. Flo Descadeaux, on t'écoute. Alors, ça s'est passé en 98, encore aux USA. Cette fois, le mec, il s'appelle Joshua Phillips. Et en fait, il a eu un problème, c'est que son matelas à eau s'est percé. Et donc en fait sa mère est allée voir ce qui se passait avec son matelas. Et sous le matelas elle a découvert le cadavre d'une petite fille de 8 ans. Lui il en avait 14. Et en fait c'est une petite fille, il a avoué qu'il l'avait tuée à coups de batte de baseball. Il l'a traînée chez lui et il l'a étranglée pendant 15 minutes avec le fil de son téléphone. Ensuite il lui a mis 10 coups de couteau et il a encore frappé le cadavre avec sa batte de baseball. Il est toujours en prison aujourd'hui et c'est la fuite de son matelas qui a fait découvrir le cadavre. C'est la fuite? Ouais, il avait un matelas à eau et il avait planqué le cadavre sous le matelas. Et quand le matelas a fuité, la mère est allée voir ce qui se passait et elle a découvert le cadavre. C'était quand ça? C'était en 98. C'était en 1998. Joshua Phillips. Léa. Je dirais vrai. Toi, tu dirais vrai pour cette fois. Je sais plus quoi penser. Nicolas. Faux. Faux pour Nico, j'ai un stagiaire. Vrai. Avant, c'était j'aime faux, donc là, c'est vrai. Faux. Julia. Vrai. Pourquoi tu dirais vrai? Faux, Jim Sanda. Je sais pas, il a hésité sur 98. Il a sorti. Mais justement. Julia. Je sais pas, le détail du matelas à eau, ça me paraît vrai. Matelas à eau. Moi, c'est justement ce matelas à eau qui fait que je pense que c'est faux. Et la réponse est... Eh ben, c'est vrai. Ouais. Et toi, t'as pas de bol, Nico, hein. T'as changé. T'as mis quoi? T'as mis faux. Deux points pour Léa. Attention, vas-y, fort. On y va, une autre histoire, vas-y. Flo Descadeaux, c'est parti. Alors là, c'est au Canada, c'est Jasmine Richardson qui avait 12 ans et ses parents lui interdisaient de voir son petit copain qui en avait 23. Ils s'étaient rencontrés sur un site de vampires et en fait, un soir, Jérémy, donc son petit copain, est venu dans sa maison et il a tué tous ses parents. Il l'a forcé à tuer son petit frère de 8 ans avec un couteau. Après, ils sont partis tous les deux en cadavre et ils sont tout de suite fait rattraper. Et le truc, c'est que pendant le procès, on s'est rendu compte qu'en fait, elle n'était pas du tout manipulée. C'est elle qui a demandé à son petit copain de venir pour tuer sa famille. Elle a été libérée et lui, il est toujours condamné à perpétuité. Alors, vrai ou faux ? Nico, tu commences. Alors là, je dis vrai. Toi, tu dirais vrai. Léa ? Je dirais vrai aussi. Vous direz vrai tous les deux. Jeune stagiaire ? Ouais, c'est vrai aussi. Tu peux pas inventer c'est ça. C'est des histoires de meurtre. Elles sont vraies ou elles sont fausses ? Il en invente certaines, il y en a certaines qui sont vraies. Ouais. James en a. Ouais, je vais dire vrai aussi. Julia ? Vrai aussi. Tout le monde dit vrai. Ah absolument ouais, vrai. Tout le monde. Ah, tu la connais, Jeune stagiaire ? Non, mais tu vas dire faux. Je veux dire faux. Ah, ben voilà, j'étais sûr. Pourquoi je vais dire faux ? Parce qu'il vient de dire, Flo des cadeaux, il vient de faire une erreur dans son histoire. Je viens de dire, c'est elle qui a dit qu'il avait manipulé. Et là, t'as dit, elle a été libérée et lui a pris de la prison. Donc elle avoue que c'est elle qui a eu l'idée et elle fait pas de prison. Ça me semble bizarre. Donc moi, je dirais faux et la réponse est... Eh ben, c'est vrai. Ouais, ouais, alors, explique-moi pourquoi elle fait pas de prison. Mais parce qu'au moment des faits, elle avait 12 ans. Donc elle était mineure, donc elle a été condamnée jusqu'à ses 18. Et son copain en avait 23, donc lui il a pris perpétuité. Attends. Ah, okay. 23 et 12 ans ? Il y a un problème, ouais. Il y a comment ils sortent ensemble ? Non, mais c'est ce que je vous ai dit au début. Elle avait 12 ans et ses parents lui interdisaient de voir son copain de 23. Ah oui, bah c'est normal que ses parents l'interdisent. Ouais, ça peut se comprendre. Et donc, du coup, ils ont tué la famille. Ah oui, pour de vrai ? Pour de vrai. Oh la tristesse, t'as elle a tué ses propres parents. Oh là là, non, elle a fait tuer. Enfin, elle a demandé à son copain de le faire et après, elle s'est fait passer pour une victime. Putain, vous êtes géniaux, les gars, comme d'hab. Continuez comme ça, cool de vous écouter. Merci, mon Chris du 51, c'est gentil. Salut, Chris. Moi, j'ai cheveux violets, on s'est vu il y a pas longtemps devant Énergie parce qu'il y avait Soprano. Ah oui, salut, gros bisous, chérie. Salut. Mimi Mati me fait demander avec sa coupe courte, salut à toi. Ah bah là, c'est pas quelle horreur, Pauline. Ah oui, c'est horrible les histoires. Ouais. 3 pour Léa, 1 pour Nico. On fait la suite dans 2 minutes, c'est avant de terminer sur Énergie. Numéro 1 sur les hip-hop, R&B, dance. Énergie, hit, music only. Tremblez, Gaulois. Jusqu'au 2 novembre, Peur sur le parc s'abat sur le parc Astérix. Entre la nouvelle créature mutante de Métamorphosis, les maisons hantées et le spectacle de magie noire, préparez-vous à avoir peur. Et profitez de 3 nocturnes endiablées les 29, 30 et 31 octobre. Conditions sur parcastérix.fr. Gagnez avec énergie des box all inclusive Société Générale avec des iPads, des MacBook Pro, des séjours, du cash. Vous êtes étudiant ou apprenti ? Alors rendez-vous sur boxallinclusive.energie.com. Écoutez Coïd de 19h à 22h sur Énergie. Une box Société Générale d'une valeur maximale de 16 000 euros à gagner par tirage au sort chaque semaine jusqu'au 18 octobre. Énergie, hit music only. Envoie dispo au 63602 et rencontre des centaines de personnes par SMS pour qui le réel vaut mieux que le virtuel. Dispo des ISPO au 63602. C'est simple, authentique. Pour enfin trouver l'amour, envoie dispo au 63602. Dispo au 63602. 50 centimes plus prix du SMS et Énergie. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hightech. Salut, c'est Pepe Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hightech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hightech. Energy Games, play again. Jouer encore. Encore meilleur. Encore plus fort. Fort. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Ah, demain je fais la Blue Room de Twitter. Ah ouais, c'est bien. S'il y en a qui voudront poser des questions, est-ce que Guillaume, on le fera demain? De toute façon, je vous mettrai sur Twitter et tout vers 17h. Et vers 14h l'après-midi, je crois que je serai dans la Insta Room, un truc comme ça là. Ah, tu fais que des rooms, bah ouais, pour l'émission et tout ça, ça fait plaisir. Salut Guillaume, t'es super dédicace au lycée de la Nativie. De la Nativité, il manque des mots. Voilà, deuxième 6, seconde 6 avec son Provence. Salut Nico. Salut. Salut les man. Bon, alors, vous bougez pas. On se fait Saint Chainsmoker, on se fait Closer, Shakira qui arrive aussi juste après. On termine le jeu des faits divers. Il faut deviner quel fait divers est vrai, quel fait divers est faux de Flo des cadeaux juste après ça sur Énergie en direct jusqu'à minuit. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop, no, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, sur Énergie de retour. Pour terminer, je vous file des PS4 dans deux minutes. Des GoPro aussi. Et il y a Léa qui est là, Danger. Tu m'entends, Léa Danger? Oui. Avec Nico. Il y avait 3 points pour Léa, 1 point pour Nico. On termine le jeu des faits divers. Encore 2 histoires de Flo des cadeaux. Il faut savoir si c'est des vraies histoires de meurtre ou s'il les a inventées. Je sais que vous aimez bien le lundi soir. On se retrouve dans le lit après les cours. On se retrouve au boulot seul. Vous êtes peut-être en train de bosser ce soir. C'est peut-être. En mode sécurité, tout seul dans une voiture ou dans un camion, dans certaines aires d'autoroute, un peu lugubres, mal éclairées, mal nettoyées, avec des gens un peu chelous, qui n'existent pas dans la vraie vie, ils existent que sur les aires d'autoroute. Vous demandez qui c'est. Vous êtes peut-être seul, ce soir, en train d'écouter la radio discrètement. Seul, en train de rire, mais aussi seul. En train d'avoir peur. Parce qu'on peut avoir peur si on est sur une route dans les Ardennes, au volant de sa 206 noire, ou de son camion Scania blanc en direction de Nantes. Avec un peu de chance, j'ai tapé bien 2 fois là. Ah bah ouais. Si t'étais dans la 206 noire en volant des Ardennes, j'ai dit oh putain. Bah t'as peur là. C'est une caméra cachée. Ça y est. Y a une caméra dans mon volant. Léa et Nico, attention, avant-dernière histoire de meurtre, Flo des cadeaux, on t'écoute. C'est en 93, c'est en Nouvelle-Zélande. On a retrouvé dans la chambre de Patricia, qui avait 12 ans, des cadavres de 34 animaux. Elle allait les tuer la nuit et elle revenait les cacher dans son placard, dans sa chambre, le soir. Et un jour, en fait, elle a donné un coup de couteau à sa mère qui a appelé la police. C'est comme ça que tout a été découvert. Et le psychologue qui l'a vu a dit que, en fait, si elle ressortait un jour, elle recommencerait obligatoirement et sur des humains. Elle est ressortie de détention en 2014. Vrai ou faux, Léa, c'est à toi de voter en première. Faux. Toi, tu dirais faux. Nico. Faux. Enfin, vous, tous les deux faux. On n'y croit pas à ton histoire, folie cadeau. Ah bon? J'ai un stagiaire. Bah, faux, je te crois pas non plus. James Zanda. Faux. Julia. Vrai. Ah, moi, je dirais faux. Et il a fait genre. Ah bon? Genre, vous êtes en train de vous niquer. C'est sa technique quand il est en train de perdre la partie d'échecs. Je dis faux aussi. Et la réponse est. Bah, c'est faux. Que l'histoire est de fou, mais j'avoue que moi, je l'aime tellement la vie. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Seul enceinte sur une aire d'autoroute, je fume une clope durant un anniversaire. Salut Jenny. Ah bah. Ah ouais, fais attention. Et déjà, tu fumes, bordel, t'es enceinte. Ah ouais. Donc le bébé fume aussi. Nick Mouk, c'est le mec qui est. qui ressent les expressions de la vérité, si genre. Non, il faut pas ça, machin. Léa, Nico, Léa, Nico, Nico, Léa. Attention, 4 à 2 pour Léa. Attention, Flo des cadeaux, encore une. C'est en 93 en Angleterre cette fois. C'est John Venables et Robert Thompson, qui étaient âgés de 10 ans, qui ont enlevé un enfant de 2 ans qui attendait devant une boucherie pendant que sa mère faisait les courses. Ils ont d'abord essayé de le noyer. Ensuite ils lui ont mis de la peinture dans les yeux. Ils l'ont déshabillé et ils l'ont frappé avec une barre de fer. Et après en fait ils l'ont laissé sur une voie ferrée. Il s'est fait découper en deux par un train. Et ils ont été libérés à leurs 18 ans. Ils ont été placés en détention et libérés à 18 ans. Nico. Faux. Faux. Léa. Faux aussi. Non mais attends, le mec il s'est emballé. Ouais. Tu sais, il s'est défoulé sur la dernière. Ah, il a fait. L'enfant il attend tout seul à la boucherie. Non mais comme par hasard la boucherie, moi c'est ça qui me fait tilt. Ouais. C'est que c'est comme par hasard. La, encore, non, la peinture dans les yeux. C'est pas une. Alors la peinture. Ça sort d'où c'est. Et même le petit de 2 ans. Tu dirais vrai, j'ai un stagiaire. Franchement, non, c'est faux. Ouais, j'ai le sandal. Faux. Faux. Bah attends, j'espère. Julia. Faux aussi. Faux. Et je dirais. Non, dis pas vrai. Si c'est vrai, ça va me faire chier. Ah ouais. Si c'est vrai, on refait une heure d'émission. Je dirais que c'est. Ah, c'est trop gros, non, vous croyez pas que c'est trop gros. C'est faux. Non, mais c'est trop gros. Il l'a écrit. J'étais pété de rire aussi. Ah, la boucherie, c'était un sketch, c'est marrant. Non, mais c'est un sketch. Et après, voilà. Il se fait écraser, je sais pas quoi. Il l'a mis sur les chemins. Je dis faux aussi, Flo des cadeaux. Si c'est faux, tu es une pauvre merde. Si c'est vrai, ça va m'énerver. Non, je dirais faux. Faux, la réponse c'est. Ben, c'est vrai. Que des stories de fumée. T'as vu, j'ai hésité. T'as vu, c'est la première fois que j'hésite autant. La mère, elle sait quoi. Ah ouais. Vous pouvez vérifier, c'est vrai. Et alors, mais raconte l'histoire. Non, bah, en fait, c'est deux petits de 10 ans qui ont chopé un enfant qui attendait sa mère qui faisait les courses. En quelle année? C'était en 93. Oh. Et ils l'ont emmené près d'une voie ferrée. Là-bas, ils l'ont torturé en gros. Ils ont essayé de le noyer, ils l'ont mis à poil, ils l'ont frappé avec une barre de fer. Ils lui ont mis de la peinture dans les yeux pour de vrai, avec une bombe de peinture. Et après, en fait, ils l'ont mis sur les rails, sous des briques, et un train est passé sur le petit, qui s'est fait découper en deux. Et ils ont été incarcérés jusqu'à leurs 18 ans. Maintenant, ils sont libérés. Oh là là. Putain, ils ont c'est pas normal, d'or, quoi. Et ils ont changé de nom. Ah oui? Ouais. Oh là là. Ils ont changé de nom. Oui. Et ils ont le droit de changer de nom. Ouais, parce que l'histoire a fait beaucoup de bruit en Angleterre. Sinon, tu te fais assassiner. Tu peux plus rien faire. Ouais. Ouais. Ah ouais, non, bah c'est sûr. C'est comme Marc Dutroux. Ouais. Tu vois, des fils de pute comme ça, après, le mec, imaginons bien sortir. S'il a des enfants, il change de nom. Et voilà, tu te dis aussi, tiens. Il y a des noms durs, j'avoue. Et bah, bien sûr. Les enfants. Donc là, le mec, il arrive. Non, mais ça, je comprends. Attends, donc la dernière a été vraie. C'est vrai. Donc c'est 4 à 2 pour Léa. Bravo Léa qui gagne. Championne. Tu veux faire une dédicace, Léa, en première, du coup? Oui, je voulais faire une dédicace à tous ceux qui m'écoutent. Ouais. Et puis aussi à la Boostim, enfin voilà. À la quoi? La Boostim. À la Boostim. À la Boostim. Ah ouais, fan de Boosty. Tu es Boosty, voilà. Quoi. Ah, t'es fan de Boosty? Ouais, c'est ça. Ah bon, on aime beaucoup Boosty. Ouais, c'est le poteau. Ça tombe ouais. Bien. Voilà, vraiment, on l'aime beaucoup et. Il est fort. Et voilà, vraiment, on l'adore. Tu l'embrasseras hein, si jamais un jour tu le rencontres. Tu feras une bise de ma part. D'accord. Et après on a un truc entre parce que nous c'est vraiment un de mes bons potes et en fait on a un délire entre nous c'est on se met une grande claque dans la gueule quand ouais, mais il a donc il va comprendre pareil. Il va comprendre tu lui mets viens au niveau de l'oreille du tympan tu fais une coque comme ça avec ta main tu tapes dans la tête comme ça tu fais hey, Boostim bim tiens quoi. Il attend qu'il fasse pareil sur toi et après tu fais c'est qui le papa et tu vas il comprendra non c'est pour rigoler hein, c'est pour rigoler ouais tu disais pardon tu voulais et je vais te demander quelque chose aussi ouais. Je voulais savoir s'il te restait des places pour les NMA. J'en trouverai ta pas sur internet. Un H sur le sac, c'est ça. Attends la réponse. Un grand coup de bite, Uber Pop. C'est pour Luna, le sac Hermès. Non, non, j'en ai pas, ma chérie. Non, non, vraiment, Léa. On les a fait gagner. Hein. On en a filé deux, ouais. Là. On en a filé mais deux. Sais, justement, j'ai envoyé plus de 30 SMS et tout pour pouvoir les gagner et tout. Et en fait, bah. Ouais, peut-être que ça peut tomber demain. Ouais. Bah, t'as envoyé un SMS pour jouer au joli fait d'hiver, t'as été prise, tu vois. C'est mieux les fait d'hiver. Comme quoi, c'est vraiment du hasard. Hein, du hasard. Et tu vois, ça marche bien. Hein. En tout cas, félicitations, ma chérie. Et puis, je te repasse, Flo, des cadeaux. On va regarder ce que tu gagnes. Et Nico, tu veux faire une dédicace avant de partir quand même. Ouais, ouais. T'as bien joué, frère. Vas-y. Dédicace à ma famille, à mon père, ma mère, enfin, tout le tralala. Et dédicace à ceux qui m'ont reconnu. Ouais. Voilà. Y'a tes parents qui écoutent, là? Non, je pense pas. Non? Ah non, tu leur fais une dédicace comme ça. Ok. Ouais, ouais, bah ouais. Non, mais c'est mignon, c'est bien, c'est bien. Ouais. T'as des frères et sœurs ou pas, toi? Ouais, j'ai une sœur. Ah ouais. Et tu l'as pas fait une dédicace? Bah, si. Ah, si. Le tralala, c'était à la suite. Ah non, t'as peut-être dit mes parents, ma soeur, j'ai pas fait gaffe. Bon, et en tout cas, félicitations. Je te repasse le standard aussi. On va t'envoyer un petit cadeau, d'accord? Ok. Ok, allez, bisous les gars. Bon courage, je vous laisse avec Mickaël normalement maintenant. Et on se retrouve demain à partir de 22h minuit avec Big Flo. Ouais, demain, ouais, j'ai bonne nuit les potos, bon courage pour les cours, pour le boulot. À demain, j'ai stagiaire. À demain, Guillaume, salut tout le monde. À demain, Julia. Salut tout le monde. À demain, Flo des cadeaux. À demain, bonne nuit. Et demain, je vous retrouve dans la Star Room, je crois, à 14h, à 17h, donc sur la Blue Room de Twitter. Gros bisous les copains. Est-ce que tu m'entends, Mickaël? Yes, comment ça va? Ah, de retour de Los Angeles. Eh, de retour, tranquillement, hier. Vous avez kiffé? Ah grave, franchement c'était au top. Vraiment, on était bien installés au bord de la piscine et tout, à la cool quoi. Ah, vous aviez une piscine et tout? Ah, génial. Ouais, on s'était mis bien, on s'était mis tranquillement, à la cool quoi, vraiment. Alors, sympa. Tu leur as dit GM du standard ou pas? Je leur ai pas dit. Est-ce que vous voulez savoir un truc de ouf? Ouais, c'est marrant. Les gars. À quel sujet? À propos de GM ou avec GM du standard a niqué dans le lit de la maison quand on y est allé faire une mission à Las Vegas. On a rencontré les auditeurs qui avaient loué cette maison-là. Ah, je savais pas. Et il a souillé l'oreiller. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non. Oh, alors, bah génial, putain. Au moins, il a baisé une fois, quoi. Attends, il peut aller décrire la maison. Ah ouais, mais je vous jure que c'est vrai. Il y a le jacuzzi. En haut, il y avait plusieurs chambres, ça je m'en rappelle. En bas, il y avait un canapé avec la télé juste en face. C'est une maison, quoi. Ouais, ouais, c'est facile. Il y avait des toilettes, non? Il y avait une cuisine, attends, non? Je ne te rappelle pas de l'adresse. Il n'y avait pas une porte pour entrer, j'y ai mais c'était quoi l'adresse? Je sais plus, mais le jacuzzi, le jacuzzi, c'était sur la droite de la piscine. Ouais. Voilà. Ouais. Il y avait de l'eau dedans, ouais. Bah oui, en même temps, c'est facile, on a mis une vidéo 360, donc heureusement que t'as vu ça quand même. J'ai vu juste la photo. Ouais, ouais, je te promets. Ça, oh là là, il t'enverra sa sextape. Avec plaisir. Et bah, on fait comme ça. Et bah, avec plaisir. C'est marrant, on a rencontré des mecs à Las Vegas qui avaient loué cette maison-là, disons. Exactement, c'est vrai. En tout cas, c'était top. Je vous jure, c'est vrai. On a fait une soirée là-bas, c'était la folie. Il m'a dit, putain, c'était une maison hollywoodienne. Il y a qu'une maison là-bas. C'était magnifique, ouais. Ouais, non, c'était top, ouais. Nous, il a été invité une heure, vous voulez louer une semaine. Voilà. C'est ça, ouais, bon, qui fait bien les mecs, à demain 22h. Du coup. Ça roule, allez les gars, bonne nuit. Ciao, bye bye. Le futur n'est pas loin. Il arrive. Proche. Très proche. Les étoiles, toi, te font rêver. Alors, allons-y. Bientôt, on voyagera dans l'espace. On prendra une fusée comme on prend le métro. On vivra sur Mars. Des vacances sur Neptune. La Lune sera notre nouveau terrain de jeu. On voyagera à la vitesse de la lumière. De plus en plus proche du Soleil. N'oublie pas ta crème solaire. Vénus, Pluton, choisis ta planète. On fera du surf sur de la poussière d'étoiles. Sensation forte au milieu des astéroïdes. On n'aura plus de limites. L'espace intersidéral. Plus d'apesanteur. Tu pourras t'amuser à sauter de satellite en satellite. Accroche-toi. T'es prêt? En route vers l'espace et au-delà. Mickaël sur Énergie. Du lundi au jeudi de minuit à 4h. Et le dimanche de 20h à minuit. Et oui, exactement. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Minuit 9, ça y est. On est de retour en direct. À la radio, et oui, de retour de Los Angeles, on était dans l'avion cet après-midi, enfin ce midi, on a atterri à midi. On était à Los Angeles, Mother Booker. Voilà, merci Amina. Avec plaisir. Voilà, bon, on était bien là-bas quand même, il y avait le soleil, il y avait les filles, les burgers, les grosses voitures, la vie quoi. Ah. Et on donnait un coup d'accélérateur, on se disait... C'est impressionnant. Oh là là là là là là là là, génial. Et là, l'autolib. Eh oui, bah. Retour à la vraie vie en fin de compte. Hein. Bon, Tof qui est bien rentré. Bah, magnifique. Eh bah, très bien. On a dormi dans l'avion 2 minutes, grosso modo. Hein. Pourtant, on était pas mal installé, contrairement à l'aller. Mais on était bien installé. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme turbulence sans décoller, quoi. Oui, j'avais l'impression de voyager dans un shaker. Oh, franchement, oui, mais non, mais ça tremblait. Il y a un moment, on avait, il y avait à boire, enfin, tu sais, des verres, des canettes sur la petite tablette. Et tout qui commence à tomber, j'ai dû rattraper le bordel. Alors j'étais en train d'essayer de dormir, mais violent quand même. Hein. Putain, il y a un moment, je me dis, l'aile, elle va casser en deux, quoi. C'est pas possible. Le truc, on tombait, ça allait à gauche, à droite, des espèces de coups. Enfin bref, si vous avez déjà pris l'avion et que vous avez vécu des turbulences, heureusement, j'ai pas peur en avion. Mais il y en a qui étaient pas rassurés dans l'avion. Hein. Ah, je peux dire, Amina qui a été réveillée, c'est bien pour dire que les turbulences étaient violentes, hein, quand même. Hein. Enfin, j'ai ouvert un œil et puis dit, bon, bah c'est pas grave. Ouais, bah c'est ça. Parce qu'il faut savoir que ce matin, alors attendez, c'était hier. Bon, hier, avant qu'on soit parti. Bon, dimanche midi, le réveil sonne. Donc on devait partir, on devait quitter la maison à midi. Et j'avais dit à Amina qui rentre à 5h30 du matin, Dieu sait ce qu'elle a fait. Complètement bourré. Est-ce que vous pouvez éviter de raconter cette histoire parce que ça va. Voilà, ça elle a réveillé Polo parce qu'elle n'a pas la clé. Enfin bref, une histoire. Une histoire, ouais. Et donc, le réveil d'Amina qui sonne vers 10h, je crois, un truc comme ça. On entend. Je dis, bon, elle va se réveiller. Hein. Une heure après, je n'exagère pas. Ouais, c'est ça. Une heure après. Je dis, c'est pas possible. Je frappe à la porte. Je fais Amina. Rien. Je frappe à la porte encore. Moment, je commence à mettre mes deux mains. C'est comme si j'étais en train de crier dans une montagne. Et je fais Amina. Le malade. Et ben, pas possible de la réveiller. Hein. C'est un truc de ouf. Ah non, mais moi, je ne dors pas. Je meurs en fait. Non, mais on a dû rentrer dans la chambre. Bah, tu sais, après, c'est une meuf, tout ça. On n'osait pas trop. On rentre dans la chambre. Et là, elle saute en l'air. C'est comme si on allait la frapper. Et oui, bah écoute, à un moment, on a cru avec Polo. On s'est dit, mais peut-être que. Tu sais, elle s'est peut-être noyée dans son vomi. Je sais pas, moi. Non, parce que moi, j'avais. Non, mais véridique. Parce que moi, en fait, j'avais la chambre juste à côté avec l'autre grand gogol, là. Ah ouais, Sébastien. Et en fait, et en deux, j'étais en train de faire mon bagage. Et il y a Mickaël, il me dit. Ça se trouve, elle est morte. C'est pas drôle. Mais c'est pas la question d'être drôle, c'est possible. On a eu droit à tout le répertoire de son truc, à toutes les musiques possibles imaginables. Ah oui, il y a tout. Il y avait dans ce truc, c'était une horreur. Ah ouais, c'était insupportable. Vraiment quoi. Vraiment. Enfin, désolé. Bref. Bah ouais, mais bon. Bah, du coup, on est là, on est de retour tranquillement. Hein, Polo n'a rien pécho. Ah si, il a pécho. Comment va la couille? Ça va. Quelle histoire. Parce que je rappelle, bon, on expliquera ça dans un instant, mais Polo a chopé une saloperie là-bas. Il a dû passer la nuit à l'hôpital avec Toff. Dans la même chambre. Non. Toff, m'attendez. Et franchement, respect pour Toff. Aujourd'hui, par respect à Toff, je ne dirai pas une méchanceté sur lui. Non, voilà. C'est une blague. Je suis choqué. Non, chiante à venir alors. Non, Toff m'a soutenu dans la détresse et dans la douleur. Polo qui a quand même été à l'hôpital où Michael Jackson est décédé d'ailleurs. Sinai et Johnny Hallyday était d'ailleurs aussi là-bas. Mais lui, pas décédé lui. Non. Mais voilà. Bah, dites-nous d'ailleurs si vous avez déjà eu les boules en avion. Vous avez déjà eu peur à un moment ou un autre. On peut en parler d'ailleurs. Et puis Seba du Standard qu'on ne salue pas puisqu'il n'est pas là, il est malade. Ah ouais. Voilà, apparemment, il fait caca de l'eau. Enfin bon, il a la diarrhée quoi. Et il a mal au crâne, il va mal, il tousse, il dort pas, etc. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure pour voir s'il pouvait faire un taf. Pas de réponse. On va essayer de l'appeler maintenant pour voir. Il a la maladie du long week-end. Ouais. Bah, du décalage horaire et du j'ai pas dormi dans l'avion. Ouais. Le malade imaginaire. Ouais, attends, on va l'appeler. Ah, allô. Non, mais il décrochera pas. Il va faire semblant là. Mais bien sûr. Allô. Il va voir qu'à 3h du mat pour le polo show, il va être là parce qu'avec le décalage horaire, il sera au taquet. Allô. Il doit être en soirée. Ah, il va pas être là, tu vois. Mais non, parce que comme il a posé une journée. Une RTT. Il peut pas décrocher. Bah, voilà, parce que là, ça, s'il décroche, ça veut dire qu'il a rien. L'escroc 20 96. Non, j'ai pas mettre son numéro. Un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier. Est-ce que tu vas trouver? Bon, on peut dire qu'il y a un 5 après, non? On voulait savoir où t'étais, parce que bon, là, il est 13h30, on a commencé l'émission. Bon, Guillaume a rendu en retard, donc t'as que 6 minutes de retard. Mais voilà, donc on voulait savoir où on était les problèmes intestinaux et les éventuels autres problèmes imaginaires. Hein, voilà. Puisque bon, retour de Los Angeles, décalage horaire, voyage, mal dormi dans l'avion et malade. Ah, ça alors. Bizarre. Étonnant. Comme par hasard. Bon, t'hésites pas, tu nous appelles pour le polo show. Hein, voilà. Putain, je te jure. Alors, quel tirage de carotte là quand même. Hein. Et si jamais il ne rappelle pas avant le polo show, on donnera son numéro. C'est une bonne idée, tiens. Fais pas ça. Je vais t'obliger de changer. Non, à l'aise. Déjà, j'ai mis 2 mois à me souvenir de mon téléphone. Laura est avec nous maintenant. Salut Laura de Huy, comment tu vas? Bonsoir. Oula, comment ça va? Laura, t'as quel âge? 42. Bah, il faut arrêter de fumer, Laura. Hein. Oui. Ah ouais, parce que là, rien que la voix, on dirait Jackie Michto. Oui, Laura. Non, mais je rigole. Bon, Laura, on va parler de quoi avec toi dans quelques minutes? Mais avec mon mec, il y a un problème, il ne veut pas me parler parce qu'il a des. Chaque fois du stress, des soucis. Stress. Ouais. Il ne veut pas me parler. Il ne veut pas te parler. Ça, c'est marrant. Donc, c'est ton mec, mais il ne veut pas te parler. Voilà. Alors, mais c'est pas parce que tu lui fais peur quand tu l'appelles. Lui, elle habite en Tunisie. En Tunisie. Ah oui, d'accord, voilà. Ok. Eh bon, on a bien fait rentrer. Hein. Hein, finalement, on n'était pas si mal que ça à Los Angeles. Bon, Laura, reste avec nous. On va te reprendre dans un instant. Et puis, bah, comme on l'a dit, hein, Polo qui a chopé une infection, on vous expliquera plus en détail dans un instant de quoi il s'agit. Mais venez nous dire si vous êtes déjà tombé malade, justement, alors que vous étiez en vacances. Comment ça s'est passé? Appelez-nous 01 40 71 5000. Du coup, Amina reprend sa place de l'époque. Oui. Amina du standard pour voilà. Cette soirée. Le temps que l'espagnol revienne. Voilà, revienne. Donc, si vous voulez appeler 01 40 71 5000. Si vous êtes en Belgique, c'est le 02 703. 0071, on va citer le son de 21 Pilots tout à l'heure. Il y aura Chainsmokers également et Shawn Mendes. On va se mettre bien, soirée s'annonce plutôt pas mal. Allez, restez bien là et on démarre direct là, avec le son de Félix Jen. Maintenant, il est minuit 15, c'est Mickaël sur Énergie. Bonne soirée tout le monde. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. Close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. Lifting drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Oh. I am the bonfire. You make me stronger, you make me lighter. With the shit you throw on me, throw on me. Oh. I am the bonfire. You make me stronger. Bonsoir tout le monde, c'est Mickaël sur Énergie. La PS4 a gagné sur le Facebook. N'oubliez pas, on tire au sort dans une dizaine de minutes. Si vous voulez tenter votre chance, bah venez nous rejoindre. C'est sur la page Facebook de l'émission que ça se passe. C'est M-I-K-L officiel. Allez, bonne soirée. Mickaël sur Énergie. En live. De minuit à 4h, toute la semaine. Mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. Et venez nous rejoindre aussi si vous voulez voir les photos et les vidéos, notamment de toutes les conneries qu'on a eu l'occasion de faire à Los Angeles. Il y en a encore quelques-unes qui doivent arriver, hein, mais bon, Toff n'a pas eu le temps de les monter. Ah, on se demande bien voilà. Pourquoi. Donc M-I-K-L officiel, Facebook, Twitter, Instagram. La Frit Rialba qui dit: je dois monter dans l'avion pour la première fois en décembre, j'ai peur un petit peu. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Il y a des turbulences, pas très grave, t'inquiète. BG Toutec aussi qui dit: salut la team, alors pas trop dur le jet lag? Bah écoute, non, parce que là-bas on avait une vie plutôt normale. C'est rapport au décalage horaire, tu vois. En fait, on allait dormir à des heures normales, alors qu'ici on va dormir beaucoup plus tard que la normale. Donc en fin de compte, on n'est pas trop décalé, a priori, ça va. Il y a Jules qui dit: c'est reparti en direct de la France, les bonnes chances ont une fin. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme hélas, ça. Hélas, hein. Hélas. Il y a Benko qui dit: bien le bonsoir à l'équipe de la Night, coup de pelle à Toff que j'emmerde avec plaisir. Voilà. Hélas, parce qu'on était sur Rodeo Drive à un moment, ouais. Avec Polo. Ouais. On était donc Rodra Drive, c'est la rue à tous les magasins bien chers à Beverly Hills. Ouais. Et là, on voit une bombe de meufs, mais un truc, un avion de chasse. Mais c'est plus qu'un avion de chasse. Polo, il est resté.